carré, mais plutôt un modèle de barcamp, tel qu'on a pu le voir dans le domaine du numérique. Voilà, je me retire et je laisse la parole à Pierre Mouillet. Alors, aujourd'hui, donc, c'est la troisième séance de notre séminaire. Donc, après les deux séances un peu introductives, historiques et un peu panoramiques sur les digital humanities dans le monde, on entre cette fois-ci sur un sujet particulier, et les séances qui suivront au cours de l'année et dans les années qui suivent, on espère, porteront sur des sujets un peu plus particuliers, du coup, à l'intérieur des digital humanities. Et je crois qu'effectivement, c'est bien de commencer sur ce sujet avec la présentation de la DTD TUI pour le format XML, donc de la XML TUI, qui est un point phare en fait du développement des digital humanities. Cette séance, en fait, elle a été organisée c'est pas un concours de circonstances, mais par une rencontre justement en particulier Cécile Soudan et Valérie Gratzac-Legendre, qui nous ont rencontrés au début de l'année, Marin et moi, pour justement savoir comment on pourrait faire prendre et développer, asseyez-vous, prenez des chaises, comment on pourrait développer un peu à la fois les pratiques, les recherches, la réflexion et la mise en pratique de cette TEI à l'école, à l'EHESS, et de manière plus large aussi. Donc Cécile et Valérie appartiennent au GRIL, qui est une équipe du Centre de Recherche Historique, un laboratoire, un centre de l'école. Et ce que je propose de faire, c'est de laisser la parole tout de suite à Cécile pour qu'elle nous présente cette séance qui, vous allez voir, est articulée en trois moments qui vont nous donner des aperçus très différents justement sur la TEI. Bonjour. Oui, l'articulation est due un peu au fait qu'on n'est pas encore très avancé dans le projet lui-même. Enfin, le projet est prêt, mais on n'a pas encore attaqué l'encodage. Donc on a décidé de diviser la séance en trois volets. Le plus gros volet est assuré par Nicole Dufourneau, qui a une longue expérience en TEI. Je ne sais pas, on parlera. Et on lui a demandé de présenter la TEI, mais pas forcément dans ses aspects les plus techniques, parce que c'est un peu lourd ça, on proposera ça plus tard pour ceux que ça intéresse plus particulièrement, d'essayer de montrer en quoi ça consiste et ce que ça peut permettre de faire en recherche. Donc ça, il y en a pour une heure et un quart à peu près. Ensuite, il va y avoir trois petites interventions d'un quart d'heure, si tout va bien. Et là, moi je vais vous présenter un projet sur lequel on va travailler, sur lequel on travaille déjà activement, mais pas sous l'angle TEI. L'angle TEI va arriver en avril. C'est l'édition de plusieurs manuscrits du XVIIe siècle. Donc on essaiera de vous montrer, vous présenter les manuscrits, vous présenter les enjeux, ce qu'on envisage de faire. François-Xavier Petit, qui est là, interviendra un quart d'heure sur un aspect particulier niveau recherche, et après Christian Jouot, qui doit arriver, prendra un chapitre et vous montrera ce qu'il attend de la TEI au niveau micro sur un chapitre particulier. Dans un troisième temps, Nicole reprendra la main, et là on a installé un éditeur TEI qui s'appelle Millefeuille, qui est sur toutes les machines, et elle vous proposera un petit exercice amusant pour que vous ayez en main cet outil là pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Est-ce que une feuille est gratuite? Je vous raconterai ça. D'accord, ok, c'est tout gratuit. Très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui, et c'est encore pour moi une occasion de raconter mes vies professionnelles et privées, parce que les deux sont liées. Alors, j'ai mis ici quelques dates phares. J'ai commencé à travailler en TEI en 1996 sur un projet Emma, qui s'appelle Emma, dont je vous parlerai tout à l'heure très très brièvement. Ensuite, pour, puisque j'ai repris, j'ai repris le chemin de l'université, et donc, après un changement de vie, comme souvent cela arrive, et donc j'ai commencé à travailler en 98 sur mes travaux universitaires. Ça, je vais vous en parler longuement. Toujours, bien sûr, avec TU. À partir de 2004, j'ai commencé à l'Université de Tours, au CESR, des cours en Master Pro, en TUI bien sûr, au début une demi-journée, et puis depuis 3 ans, c'est passé à 2 jours. D'ailleurs, je suis ravie de voir qu'une de mes ex-étudiantes est ici. En 2006, j'étais en fin de thèse, et donc en même temps, j'ai commencé le projet Millefeuille, j'ai mis en place le projet. C'est un projet dont je vais vous parler un tout petit peu tout à l'heure. Et à partir de mai 2007, j'ai commencé à travailler au CESF sur le projet BVH. Et j'y suis toujours puisque je finis le 31 mars. Donc que ce soit pour Millefeuille comme pour le projet Millefeuille, comme pour le projet BVH, je fais des prototypes. J'aide la mise en place des projets. Donc, j'ai commencé par le projet imprimé et maintenant je suis en train de finir le projet manuscrit. Alors, tout cela, je ne peux pas le faire toute seule. C'est la condition. Il faut travailler à plusieurs. Et en particulier, je travaille avec un informaticien. Alors, cet informaticien, c'est mon mari. C'est pour ça que je vous parlais de vie privée tout à l'heure. Il s'appelle Jean-Daniel Fekete. Et il est maintenant directeur de recherche à l'INRIA, l'Institut National de la Recherche en Informatique et Automatique, donc c'est l'Institut français. Il dirige l'équipe AVIS. Je vais vous en parler tout à l'heure. Il y a un autre homme aussi qui a été dans ma vie, mais là, purement professionnel. C'est un monsieur que vous connaissez, puisqu'il s'appelle Lou Bernard. Alors, j'ai commencé à entendre parler de lui en 1995. C'était juste avant le projet EMMA. Je l'ai rencontré à la fin du projet EMMA en 1998. Et donc, depuis, je le côtoie. Alors, vous avez eu la chance de le rencontrer au mois de décembre. C'est toujours une chance de l'écouter. Alors, voici mon plan. Je suis malheureusement obligée d'en passer par là, hein, de vous donner des notions de base que je vais essayer de rendre agréables et animées. Ensuite, je vous dirai vraiment 2 mots d'XML, pas plus, parce que je suis une utilisatrice, je ne suis pas informaticienne, donc je ne veux pas dire de bêtises. Et enfin, vraiment, le gros, hein, ça va être toute cette partie-là, donc TEI et les enjeux de TEI et les perspectives. Pour cela, je vais vous parler de visualisation. Donc il y aura 2 parties qui s'enchaînent et en même temps un peu séparées. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez pédagogique. Alors, commençons par le commencement. Tout de suite, je veux vous parler de quelque chose que je voudrais que vous oubliez. Je veux parler de Word. Alors, quand j'ai commencé à travailler avec des informaticiens, c'était en 1982. Là, ça paraît très loin peut-être pour certains. Quand j'étais toute jeunette, eh bien, bien sûr, rien n'existait. J'ai tapé encore sur une machine, hein, tout simplement. Et est vite arrivé ce qu'on a appelé des éditeurs graphiques. Alors, à l'époque, on n'appelait pas ça éditeur graphique, hein, mais on appelait ça traitement de texte. Voilà. On peut aussi les appeler les WYSIWYG. Hein, what you see is what you get. Alors, avant d'arriver à ces éditeurs de texte graphique, hein, j'avais commencé par ce qu'on appelait à l'époque des formateurs de texte. Aujourd'hui, on appelle ça des éditeurs de documents structurés. Pour ma part, je travaillais depuis le 1984 sur Tech, puis ce qui est devenu après la Tech. Ce que vous connaissez peut-être beaucoup mieux, c'est HTML, au moins de nom, et puis ce dont je vais vous parler, XML. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous parler de diffusion de texte, d'échange de texte, d'analyse, etc. Alors, pourquoi ne pas utiliser Word? Word a été fait pour la publication papier, à l'origine. Et Word n'est peut-être pas fait pour les ordinateurs. Ce n'est pas un langage compréhensible. Je crois que c'est plutôt le terme qu'il faut employer. Et pour échanger un texte, il ne faut surtout pas utiliser Word non plus, pour une bonne raison, c'est que quand on échange, on modifie. Et dans Word, je ne sais pas si vous avez essayé de travailler à une dizaine de personnes avec Word pour, en modifiant le texte, c'est une calamité. Donc ce n'est pas fait pour. Alors, on va oublier donc les éditeurs de textes graphiques et on va parler plutôt de structuration de données et d'éditeurs pour structurer ces données. Alors, c'est quoi structurer des données? C'est convertir des données, je parle que textuelles, hein, parce qu'on peut parler aussi images et sons, mais là, pour cet après-midi, on parle que texte, caractère. Donc, c'est convertir des données textuel cet après-midi, dans un format exploitable par un ordinateur. Nous sommes dans l'ère de l'ordinateur. Dans le contexte des documents numériques, c'est, alors je vous donne une définition d'informaticien, c'est utiliser un langage formel de marquage pour décrire un texte sous la forme d'une suite de phénomènes textuels et paratextuels qualifiant et structurant le texte. Donc c'est de cela dont on va parler cet après-midi, mais avec mes termes à moi. À ce moment-là, le document numérique est exploitable par l'humain et par la machine. Alors vous en servez, vous le voyez tous les jours, mais peut-être que vous ne l'avez pas bien perçu. Alors je vais vous montrer un exemple qui est simplement la page accueil de l'École des hautes études en sciences sociales. Je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder, si je me mets une lunette, ça ira mieux, de regarder le code source. Alors il va peut-être un petit moment, c'est bon, c'est rapide. Donc voici le code source, c'est du HTML et donc sa structure. Le texte, ça donne des commandes et l'ordinateur comprend ça. Donc on va se situer cet après-midi à ce niveau-là. Alors, pour mieux encore comprendre, je voudrais vous montrer un exemple, même plusieurs exemples de texte. Alors c'est un document tiré de, c'est un registre en réalité, de la chancellerie de Bretagne du début du XVIe siècle, puisque je travaille sur le XVIe siècle, je suis historienne et je travaille sur le XVIe et j'ai beaucoup travaillé à Nantes. Donc c'est un registre de la chancellerie. Qu'est-ce qu'on y voit? Alors on voit en haut, je le sais, hein, c'est peut-être un peu dur pour vous à comprendre l'écriture, hein, mais c'est le titre du registre. En dessous, nous avons un sous-titre qui est le titre de la journée où s'est réuni le conseil. En dessous, nous avons trois résumés demandements avec les paraphes des secrétaires. Il y a des ratures. Ici, on se demande ce que c'est. Il y a des paraphes. Il y a un tampon. Des archives. En haut, il y a aussi quelque chose en réalité, je ne sais pas si vous devinez, c'est une déchirure. Voilà, comment expliciter ce texte? Alors ça, c'est un autre exemple qui est peut-être plus évident. C'est un imprimé, c'est tiré donc, du projet Millefeuille sur les almanachs. Alors ici, nous avons donc la première page de titre, de la manac royale de l'année 1779. Donc cette date, quand on transcrit, que faisons-nous? Est-ce qu'on la laisse en chiffre romain? Est-ce qu'on la met en chiffre arabe? Comment l'ordinateur va comprendre que c'est une date, tout simplement? Et sous quel format? Ce sont des questions, hein, que je pose. Donc ici, vous avez une belle illustration. À droite, vous avez mis une page un peu au hasard, mais qui est assez jolie parce qu'elle a une frise, ici, qui a du sens. Alors, quel sens? On ne le sait pas hein, quand on regarde pour la première fois. Moi, je sais le sens que ça a parce que je l'ai étudié. Mais au début, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la garde pas? En réalité, il faut la garder puisque ça donne du sens au texte. Et puis, il y a des accolades. Voilà. On est confronté devant ces textes qui sont, alors celui-ci date du 18e, mais qui sont un peu impénétrables pour nous quelquefois beaucoup plus perceptibles, mais on veut simplement que l'ordinateur, lui, puisse nous aider à analyser ces textes. Voilà, c'est le but. Donc, il faut structurer ces documents. Alors, je vais rester sur le livre imprimé en premier. On a vu la page de titre, on a vu le titre. Alors, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y avait des pièces liminaires. Hein. Il y avait le privilège du roi, il y avait une préface. Dans le texte, nous avons vu une image. Dans ce texte, il y a un corps de texte. Mais quelquefois, nous nous rencontrons dans des livres, hein, les recueils de textes. Donc là, c'est un groupe de textes. Et enfin, ce que nous n'avons pas vu, des pièces annexes. Souvent, c'est une table des matières, des sommaires ou autre. Le privilège peut être aussi à la fin. Alors, dans le corps de texte, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, j'ai omis hein, l'illustration, la frise, j'ai fait plus simple. Donc, nous avons des chapitres, nous pouvons avoir des paragraphes, des strophes, mais nous pouvons aussi avoir des notes, alors en bas de page, en marge. On peut avoir donc, des marges où il y a des ajouts, par exemple, hein, surtout pour les manuscrits, plus que pour les imprimés. Nous avons des tableaux, des listes. Les accolades, hein, c'était un peu ça. Et puis donc, les illustrations quand même que je vous ai mis à la fin, même si nous sautons. Alors, pourquoi structurer ces données? La réponse est en cours. Hein. Et comment structurer ces données? Alors là, c'est une autre affaire. Alors, pourquoi structurer? J'y reviens parce que en histoire, j'ai rencontré beaucoup de soucis quand j'ai voulu moi-même travailler en structurant les données. La méthode traditionnelle, c'est quoi? On a une hypothèse, on va chercher une source qu'on pense féconde, et on vérifie l'hypothèse. En ce qui concerne cette méthode, moi je n'en voulais pas. Aujourd'hui, à l'ère numérique, on a de plus en plus de données numériques, et ça va être de pire en pire. Et aujourd'hui, l'exploitation de ces données est encore très difficile par l'ordinateur. Alors, si vous voulez avoir une référence, je vous ai mis une diapo enfin avec des publications et des sites internet. Je vous dis, si vous n'avez pas le temps de noter, Ben Schneiderman a expliqué ça. Alors, bon, après, c'est sujet à caution, mais c'est toujours intéressant d'avoir une idée. C'est dans la branche d'interaction machine hein, qu'il faut aller voir en informatique. Alors, maintenant, comment structurer? Alors, je vous donne la définition de Bernard, qui est plutôt une définition, je dirais, de linguiste. Un format d'échange s'exprime dans un encodage qui explicite une théorie concernant un aspect quelconque d'un document. Alors, le mot important est le mot explicite. Tout de suite, je vous préviens, l'encodage, ça ne fait pas tout, il y a des limites. D'abord, dans tout encodage, il y a une interprétation. On interprète le texte. Et le texte donc bouge, si on peut dire. Il se modifie, il se construit. Et aucun langage en codage ne peut prétendre être complet. Alors, après avoir vu les limites, les atouts, l'encodage permet l'exploration des données et donne des idées. Ce qui est quand même pas mal quand on fait de la recherche. Alors, nous arrivons bien sûr à TEUI, c'est le cœur de mon intervention. TEUI, c'est un projet pluridisciplinaire pour uniformiser le codage de documents en vue de leur échange. et ce sont plutôt des recommandations qu'un format. TEI a besoin d'un environnement. Cet environnement aujourd'hui est XML, puisque avant c'était SGML. On peut dire que Eclipse, qu'on a besoin d'Eclipse comme éditeur, mais on peut utiliser Oxygen. Alors Eclipse est un logiciel libre. Oxygen est payant. Il est plus cher, mais il est payant. Donc il a besoin d'un éditeur. On a besoin d'HTML pour diffuser, parce que vous avez bien vu, entre la page d'accueil de l'école et le code source, c'est quand même plus plaisant de regarder la page d'accueil. Donc on a besoin d'HTML. Et pour faire la traduction entre le XML et HTML, on a besoin d'un traducteur qui est XSLT. Et tout ça forme un tout. C'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure que nous avons besoin de travailler en commun. Je connais XML-TEI, mais XML, je ne suis quand même pas spécialiste. Je me débrouille. L'éditeur, ok. HTML, je me débrouille. XSLT, je me débrouille, mais il vaut mieux avoir un informaticien sous la main, je peux vous l'assurer. Alors, XML est un métalangage pour aider à la saisie d'un texte en le structurant. XML a sa propre vie, sans TEI. Et TEI, lui, est un outil d'édition, de diffusion et, j'ajoute, d'analyse. Je dis j'ajoute parce que souvent, on se cantonne qu'aux deux premiers. Alors, 3-4 mots d'XML et après on passe. XML représente les données structurées hiérarchiquement. C'est une arborescence qui est composée de parents et d'enfants, avec comme joint ce qu'on appelle des nœuds. Alors j'ai mis que XML est indépendant, ce que j'entends par indépendant. Si on revient à Word, si vous achetez Word, vous êtes dépendant de Microsoft. Si vous travaillez avec XML, vous êtes indépendant. Voilà, c'est dans ce sens-là. L'inconvénient de XML, c'est que XML a une syntaxe qui doit être respectée. Alors, les enjeux de tout cela, j'ai repris des citations, mot à mot de Bernard. C'est faciliter la création, l'échange et l'intégration des données textuelles informatisées. Et dans les buts, c'est préférer les solutions générales à celles spécifiques à une discipline. Ce que moi j'utilise pour l'histoire, des biologistes peuvent aussi l'utiliser. Pourtant, c'est sciences dures et SHS. Alors, c'est moi qui ai ajouté cette dernière phrase. Pour que chaque discipline s'y retrouve, le système est modulaire. Alors, une petite conclusion, si on peut dire. Pour structurer, il faut baliser. Pour baliser, il faut utiliser des éléments et des attributs. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc j'avance pas à pas et j'espère que je suis assez claire. Alors, voyons en premier l'élément. L'élément est la structure de base marquée par une balise de début et une balise de fin. Alors la balise ouvrante se marque avec des chevrons. Donc ici, voilà. Et pour la balise fermante, une barre oblique est ajoutée. Donc voici un élément. Alors, il y a plusieurs définitions du mot « élément ». Si vous allez sur le site de W3C, vous en verrez, je ne sais combien, une quinzaine. Donc, les informaticiens donnent plutôt comme définition celle-ci. Et moi, je la modère un peu. Et je dis qu'un élément est en réalité le mot voilà, qui est entre cheveux. Donc, « title » est un élément. Donc je vous ai mis un exemple ici, un title, le tiers livre, je ferme ma valise et ensuite je lui dis d'aller à la ligne, line break. Alors, les deux règles essentielles dans XML, je vous rassure, hein, ça ne va pas durer très longtemps. Deux règles essentielles dans XML, c'est donc la syntaxe, les balises, et il y a la règle d'implication stricte. Alors, je vous ai mis un exemple qui est mauvais. C'est-à-dire que on commence un titre, on lui dit qu'il est dans un paragraphe, bon, je l'ai mis parce que ça m'arrangeait, hein. Je mets donc le nom du titre, hein, le tiers libre, hein, le Rabelais, et là, j'ai mis la fin du titre, et seulement après, la fin du paragraphe. Ce n'est pas valide. Il faut que le P soit avant le title. Sinon, la machine ne comprendra pas, tout simplement. Alors, il faut parler également de hiérarchie. Il y a une certaine catégorie d'éléments qui sont imbriqués dans une autre catégorie. C'est juste à savoir que ça existe. Je vous rassure, les éditeurs vous les proposent. Quand j'ai commencé à travailler, il m'a semblé important de réfléchir sur la typologie des balisages. Donc, je vous propose cette typologie. Un balisage formel et typographique qui permet une transcription structurelle. Je mets dedans les divisions, les entêtes, les paragraphes. J'y mets également le respect de la mise en forme. Il me semble qu'il faut respecter la mise en forme parce que cela apporte du sens au texte. Je vous ai donné deux exemples, le line break et le formwork. Pour les entêtes et les pépages. Un autre type de balisage est le balisage sémantique. Dans ce balisage, nous pouvons y mettre les éléments analytiques, mais succincts, comme tout ce qui est nom, date, nom géographique, nom de personne, adresse. C'est une première couche d'analyse. Alors, maintenant, nous pouvons passer à l'attribut. C'est un paramètre qui est associé à un élément. Je vous ai mis l'exemple de N, qui n'est pas number. Dans PageBreak, 1 étant la valeur de l'attribut. C'est un exemple tout simple. Deux attributs qu'on utilise très fréquemment, c'est type, parce que c'est bien faire les typologies, et REN pour rendition, pour la mise en forme. Certains éléments peuvent être également des attributs. Alors voici un fichier, oui bien sûr, TEI. Je ne vous ai pas parlé de l'entête TEI, TEI header, parce que c'est assez complexe. On va tout voir. Sachez simplement qu'il est essentiel pour la diffusion et l'échange. Il permet le catalogage et on y met tout ce que l'on veut comme métadonnées. Et ensuite, le corps du texte qui comprend un body, des divisions, etc. Donc voici une structure très élémentaire d'un fichier PEI. Alors, un mot de la transformation entre TEI et HTML. Donc on utilise une feuille de style, vous la verrez tout à l'heure dans la dernière partie. Cette feuille de style donc est élaborée avec XSLT, en tout cas je préconise. Alors vous l'avez générée automatiquement sur le site de TEI. À l'époque ce n'était pas le cas, malheureusement. C'est récent. Et cette feuille de style permet d'afficher en HTML, comme je vous l'ai dit, mais également permet des traitements par les ordinateurs. Alors un traitement simple, par exemple, on peut lui dire d'ignorer un élément parce que vous voulez un traitement informatique sans cet élément-là. Donc ça, vous ne touchez pas au fichier, vous ne touchez pas à votre travail, c'est dans la feuille de style que tout se passe. Là encore, l'ordinateur comprend. Alors, les enjeux de TEI, donc je répète, hein, c'est un outil d'édition, d'étude et d'échange, mais surtout, il me semble que c'est un apport pour la recherche en sciences humaines et sociales. Alors, je vais vous le démontrer, et nous allons parler d'analyse et visualisation, et là, je vous rassure, donc la partie un peu ingrate est terminée. Alors, je vais reprendre mon expérimentation personnelle. Je vais vous raconter un peu ma vie. J'ai fini par une thèse, mais j'avais commencé par une maîtrise. Et avant, donc, par ce projet Emma. Je l'ai mis dans le sens contraire. On va commencer par le plus simple et bien sûr le plus éloigné, le projet Emma. Alors, voici le résultat auquel nous sommes parvenus. Le projet Emma a été conçu pour faire une expérimentation de TEI en France. Ça a été pensé dans les années 94-95. Mon mari collaborait, puisqu'à l'époque, il travaillait à l'école Estienne, etc. Il aimait beaucoup tout ce qui était caractère, texte. Donc c'est là où il a commencé à travailler avec Lou Bernard. Ce projet Emma avait pris corps et en 1996, ils ont cherché un ou une vacataire pour faire la petite main, c'est-à-dire se mettre devant le clavier et encoder. Ils n'ont trouvé personne. Il fallait être un peu fou, hein. Parce qu'à l'époque, TEI venait juste de sortir son premier manuel. Ils étaient verts, je m'en rappellerai toute ma vie, et ils étaient hauts comme ça, enfin, c'était l'horreur absolue. Donc, en anglais. Et c'était sur SGML. Et nous venions d'arriver à Nantes le 1er août. Et mon mari a trouvé que j'allais m'ennuyer jusqu'à ce que je reprenne les chemins d'université. Donc il m'a dit, comme tu sais ce que c'est structurer des données, tu as travaillé en la tech, tu connais l'éditeur IMAX. Bon ben voilà, j'ai trouvé du travail. Donc, et à l'époque, ben, je m'y suis mise toute seule. Hein. Heureusement, le TEI Light sortait au même moment. Ça m'a quand même beaucoup aidé. Et puis, je posais des questions le soir à mon mari, et il envoyait, il réfléchissait, et puis il disait, bon d'accord, je ne sais pas. Alors, il envoyait un message dans le monde entier. Alors, ça allait à Oxford, ça allait à Brown, ça allait, bah, bref. Et moi, j'attendais gentiment, et j'avais le retour le lendemain avec le décalage horaire. Donc voilà, donc, ça a été épique. Bon, j'ai fait ça 2 étés de suite, et le résultat est celui-ci. Il y avait l'objet, bien sûr, d'une publication. Donc, c'était l'encyclopédie de la chose imprimée et l'intérêt était graphique. Donc, vous voyez, avec TEI, structuration de données, premier travail en France, un document graphique, un intérêt graphique. Et je dois dire que même avec du recul, le résultat me semble tout à fait correct, puisque à gauche est l'original, à droite, ce que j'ai fait. Alors, bien sûr, pour le faire apparaître ainsi, c'est mon mari qui a fait un programme informatique, je crois en Perl à l'époque, j'en suis pas sûre. Et ce n'est pas moi qui ai fait la partie informatique, bien sûr, je ne faisais que l'encodage. Et à partir de cela, j'ai commencé une maîtrise, et je ne voulais pas travailler à la méthode traditionnelle des historiens. Moi, je voulais diffuser, parce que, comme vous savez peut-être, les historiens dépouillent. Dépouiller signifie prendre des notes. Ils perdent donc trace de la source. Alors maintenant, avec les appareils numériques, ça a changé. On peut photographier. À l'époque, ça n'existait pas. Et on fait des grilles de dépouillement. Et je m'apercevais que les étudiants qui travaillaient comme cela, eh bien, étaient obligés de revenir X fois aux archives. Parce que quand on commence un travail, bien sûr, on prend très mal les notes, parce qu'on ne sait pas exactement jusqu'où on va aller et ce qu'on va découvrir. Donc moi, je voulais tout transcrire, et comme je transcrivais tout, je voulais diffuser mes sources transcrites et les échanger, pourquoi pas. Je voulais faire une grille de dépouillement avec un moyen informatique, alors bien sûr, rien n'existait à l'époque. Je voulais analyser mes données informatiquement, pour une exploitation informatique des résultats. Alors, je n'étais pas une extraterrestre, hein, j'avais commencé en informatique en 1982, et là, nous sommes en 98. Hein, donc, moi, j'avais baigné là-dedans. Hein. Et j'avais quand même un mari chercheur en informatique, ça aide aussi. Et donc, je me suis mise à la recherche d'un format de codage de texte dit structuré comme support. Et mon mari m'a proposé TEI. Alors, je lui ai répondu non, puisque TEI avait été, quoi, pour moi, était fait pour des documents graphiques, à intérêt graphique. Ce n'était pas le cas de mes sources, puisque c'était des sources, c'était des lettres de rémission au départ, et puis après, des sources qui, manuscrites. Donc, ce n'était pas du tout la même chose. Et il m'a bien sûr dit le contraire, il me l'a démontré, et il m'a dit en plus que je voulais aller jusqu'aux analyses, ce que personne à l'époque n'avait fait. Donc lui était intéressé en tant que chercheur que je serve de cobaye. Alors en effet, TEI semblait idéal, c'était une convention commune pour diffuser et échanger, donc ça correspondait à mon besoin. C'était un langage compréhensible pour la machine en traitement informatique, impeccable. TEI rend la transcription exhaustive, exploitable, analysable et réutilisable. Donc ça, c'était très bien. Je voulais garder la diplomatique, TEI le permettait. C'est pour ça que je ne voulais pas de base de données. TEI permet la relation, permet là, oui, la mise en relation des données. C'est ce qu'il me fallait également. Et TEI lit les analyses aux sources pour vérification. Alors ça, c'est ce que je voulais faire en maîtrise, mais que je n'ai fait en réalité beaucoup plus en thèse. Ça n'a pas été jusqu'au bout tout de suite, ça a été progressivement. Alors c'est là où j'ai inventé un peu une méthodologie, j'ai réfléchi comment je devais travailler avec cet outil, d'où cette typologie de balisage tout à l'heure. Donc j'ai saisi ma transcription exhaustive. Alors à l'époque c'était SGML et c'était donc TEI-P3, donc c'est ancien. Et mon mari m'a fait donc l'affichage grâce à une feuille de style élaborée, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai enrichi mon texte en mettant des noms, des dates, des lieux, et j'ai dressé des typologies, d'où une production d'index, pareil, c'est lui qui les a fait. Et enfin, j'ai travaillé sur la grille de dépouillement qui était donc liée à mes fichiers TEI. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc l'étape zéro, c'est ma transcription. Donc je travaillais à l'époque sur les lettres de rémission de la chancellerie de Bretagne. On avait une page ici à gauche et à droite, ce que vous auriez pu avoir avec Word sans problème. Alors j'attire juste votre attention sur le fait que je note les numéros de ligne. Alors au début, je pensais que c'était uniquement pour moi, pour une aide à la transcription, pour se repérer plus facilement. Et en réalité, ce n'était pas vraiment pour moi, mon mari m'avait conseillé, mais plutôt pour la machine, et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Alors ensuite, j'ai fait une première passe, j'ai indiqué les erreurs avec l'élément SIC, j'ai indiqué les abréviations, à l'époque c'était ABBR, à l'époque ça a changé, ça s'est complexifié. Pour les moins certains, c'était unclear, DEL pour les ratures, AD pour les ajouts, NOT pour les notes. Alors, en gros, c'était ça à l'époque. Alors, voici le résultat. Donc, à gauche, je reprends ma transcription, donc style Word. Et voilà à droite ce que j'ai encodé. Donc, en bleu, vous avez des abréviations. Parce qu'il y a beaucoup d'abréviations, bien sûr, à l'époque, qui sont les manuscrits. Les numéros de ligne ici, la librairie. Et puis ici, c'est. C'est l'élément cote pour indiquer donc des discours. En dessous, un mot qui à l'époque me semblait pas très clair, chambrière. Après, j'ai compris que c'était un mot très répandu, et je l'ai laissé pour l'exemple, donc unclear. Donc voilà, donc, c'est à peu près lisible, et c'est une première passe. Je continue. Donc, deuxième passe, j'ai noté les dates. Les noms, alors à l'époque il n'y avait que name, ça s'est complexifié depuis, et surtout une typologie, donc les toponymes pour les lieux, les armes, alors on s'en sert encore aujourd'hui d'ailleurs, ça plaît beaucoup, les meubles, à l'époque je voulais tout encoder, ça a été mon erreur. Alors à gauche je reprends l'exemple de tout à l'heure, et voici donc il y a un peu plus de rouge, avec des names par exemple, vous en avez pas mal. Et puis, vous devez avoir quelques RS, oui, en haut, par exemple. Alors ça, c'est pour l'analyse, carrément, hein, pour analyser mes textes en vue de ma grille de dépouillement. Et vous devez avoir aussi, voilà, RS type toponyme, hein, pour un lieu qui s'appelle Bonhardi. Alors l'encodage analytique, hein, je vous en parlais. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais j'avais créé une grille de dépouillement et nous sommes servis, nous sommes inspirés de la grille de dépouillement de Claude Covard dans sa thèse. Alors elle, à l'époque, bien sûr, elle n'avait pas pu travailler avec ce genre d'outils, hein, parce que sa thèse doit dater d'au moins 10 ans, hein, je pense, avant. Mais nous sommes servis de sa grille. Alors voilà le résultat. À gauche, le texte qui est tel que vous l'avez vu tout à l'heure, et à droite, je pouvais sortir des listes comme ça, et je pouvais un peu regarder ce que j'avais fait, contrôler aussi mon encodage. Et par exemple, si je voyais, bon, ce sont des lettres de rémission, donc il y avait des meurtres, il y avait des victimes, si je n'avais pas de victimes, c'était anormal. Ça m'a permis vraiment de contrôler, de contrôler mon travail et de contrôler l'encodage que j'avais fait, puisque je pouvais faire bien sûr des erreurs. Alors je passe, mais j'ai pu faire aussi un glossaire, je vais vous montrer, ce sera plus agréable tout à l'heure. Alors les outils, donc j'utilisais Emacs, qui est un éditeur un peu compliqué, mais bon, moi j'étais tombée dedans quand j'étais petite, hein, si on peut dire. Donc j'ai pas trop de mérite, hein. Je continue à travailler avec Emacs, hein, c'est un éditeur donc utilisé plutôt par les informaticiens. J'avais donc encodé avec le SGMLTUI Lite et puis P3, puisque là que je n'utilisais plus. Il m'avait fait un traducteur avec Perl pour la mise en page, et vers HTML pour lier automatiquement les lettres à leurs images. Parce qu'en plus, oui, on voulait lier automatiquement les lettres aux images. On avait vu grand quand même à l'époque. Et puis, donc, il m'avait fait une feuille en XSL qui est venue depuis XSLT. Et on est passé après à XML, hein, progressivement. Dès que les nouveaux outils arrivaient, on basculait. Alors, les traitements me permettaient de tester l'intégrité sémantique, il m'avait fait un indexeur. Enfin, bref, j'étais un peu quand même la reine. Hein. Je dois la jouer. Donc, les résultats, ben, ils ont été probants. Donc, c'était une belle expérimentation qui a eu des conclusions tout à fait positives. J'ai produit donc automatiquement des tables d'analyse sous un tableur. Hein, j'appuyais, je cliquais, hein, tout simplement. Et ça, à la fin, en pleine rédaction de mémoire, je vous assurais que c'était devenu des instruments de travail. J'ai eu beaucoup d'index, vous allez le voir tout de suite, et j'ai trouvé que les analyses étaient vérifiables, comme je vous l'ai indiqué. Tout ça était très scientifique. Alors, je vais quitter un instant mon diaporama, puisque notre idée était quand même de mettre en ligne tout cela. Donc, mon mari s'en est occupé très vite, et donc c'est en ligne, et vous pouvez y accéder, c'est sur mon site personnel. Alors voilà comment ça se présente. Donc à gauche, vous avez la liste des index et des analyses. Ensuite, à droite, alors, à l'époque c'était des frames, hein, c'est connoté, hein, je dirais, technologiquement parlant. Donc dans la frame, ici, vous avez la lettre, et en dessous, vous avez, alors quand même, le lien vers l'image, mais alors ça c'est vraiment tout à fait artisanal, hein. Nous sommes allés aux archives nous-mêmes avec un appareil numérique pas terrible de l'époque, etc. Mais ça marche à peu près. Donc si vous cliquez par exemple ici, alors il va peut-être être non, il n'est pas si long que ça. Donc voilà, on a la ligne, d'où l'intérêt de nos télélignes, la ligne 56, hein, Jacques Adélis. Et si je cherche la page pour vérifier si ma paléo est bonne, voilà, on tombe sur la 151 recto, hein, ici, et vous pouvez contrôler donc si j'ai fait des erreurs de transcription ou pas, si ça vous amuse. Alors, autrement, dans les analyses, alors il y a un glossaire, alors, si on va, je crois qu'il y en a une par là, voilà, par exemple, ce mot existe dans un glossaire, hein, il y a une petite marque. Voilà, vous arrivez, vous cliquez, vous arrivez directement sur le glossaire. Et enfin, donc, toutes les analyses. Alors, pour ça, j'ai parlé des armes tout à l'heure, parce que je reçois souvent des... Quoi souvent ? Mon site est assez bien référencé, parce que les gens y trouvent, les gens, souvent des généalogistes, mais pas que des généalogistes, ils trouvent ce qu'ils cherchent. Et les armes sont un objet qui est très apprécié a priori, dans l'objet. Voilà, et donc on peut trouver toutes les armes de l'époque. Alors c'est pas sensationnel pour une présentation, hein, c'est très connoté, mais ça fonctionne encore aujourd'hui alors que ça a presque 10 ans. Voilà. Donc voilà le résultat d'une expérimentation en maîtrise et en DEA, parce que j'ai continué en DEA il y a 2 ans en réalité ici. Alors on va reprendre le chemin du diaporama. Voilà. Alors j'ai continué avec ma thèse, mais là, tout change. Alors tout change parce que j'ai voulu travailler sur les femmes. C'est une drôle d'idée. Au XVIe siècle, dans la France de l'Ouest. C'est un sujet à controverse. D'ailleurs, il a fallu que je quitte l'université de Nantes, et c'est l'école des hautes études qui m'a accueilli avec André Burguière. Je n'avais pas de données sérielles, donc grande difficulté, et les sources étaient encore plus difficiles à lire et à comprendre que pour ma maîtrise avec des lettres de rémission. J'ai choisi donc une méthode de science dure, hein, qui est l'accumulation de cas. Alors les variantes par rapport à ma maîtrise, donc la diversité des sources, j'avais un nombre plus élevé, puisque là de 150 je suis passée à 1000 textes, mais j'ai repris mes 150 lettres hein, quand même. J'avais trop de données numériques, mon cerveau ne pouvait plus retenir la moindre source. Ma grille de dépouillement a été refaite complètement. Et là, j'ai fait une mise en relation directe entre le texte de ma thèse et les références. Alors, j'ai voulu tout à l'heure voir si ça fonctionnait. Et là, comme je suis en 3G, ma thèse est trop lourde. Et ça, vous pouvez le contrôler sur mon site chez vous en cliquant sur mes références. Hein, vous arrivez directement sur la source. Comme ça, vous pourrez le faire vous-même. Et enfin, je voulais de la visualisation. Alors, ça aussi, c'est une idée, bien sûr, de Nicole, comme toujours un peu farfelue. Alors, comme je vous le disais, j'avais trop de données et mon cerveau ne pouvait plus travailler. Alors, il a fallu que j'aie de l'aide. Et un jour, mon mari m'a ramené d'une conférence un outil qui venait d'être montré. Et comme c'était un collègue ami allemand, je l'ai récupéré pour servir de cobaye. On vous sert souvent de cobaye. Hein. Et donc, ça s'appelle InfoZoom. Alors, d'ailleurs, il m'en a offert une version commerciale après. Il vaut très peu cher. Hein. Donc, je vais vous montrer exactement ce que j'en ai fait. Voilà. Donc, mon mari m'a récupéré tous mes fichiers, donc 1000 fichiers, en 3 minutes, hein, c'est très très rapide, hein, parce que c'est structuré, parce que l'ordinateur comprend, tout simplement. Donc, vous voyez bien, il y a un investissement au départ, mais après, c'est simple, hein, si on a un informaticien sous la main. Donc, alors voilà ce que ça donne. Ce que ça donne, c'est mes cotes, hein, les dates, mes groupes d'analyse et mes analyses. Alors, dans mes dates, je peux choisir une date précisément, hein, ça, il n'y a pas de souci. Je peux choisir, bien sûr, une cote aussi, mais comme je vous le disais, mon cerveau ne répondait plus hein, à la fin. Alors, comment je travaillais? Je choisissais, quand j'étais sur un chapitre de ma thèse, alors, un chapitre très ardu, c'est le droit. Le droit au XVIe siècle, c'est quelque chose. Donc, je sélectionne mes fichiers. Et il y a dans le droit du XVIe siècle un droit bélien qui m'intéressait au plus haut point, puisque ça concerne les femmes. Donc, si je sélectionne que le droit bélien, il me donne tous mes fichiers où il y a du droit bélien dedans. Donc, parce que je lui ai indiqué, bien sûr, je ne veux pas le deviner. Et à partir de là, je prenais un fichier. Et voilà, j'avais ma source et j'avais plus qu'à lire et à tirer mes morceaux de texte directement dans ma thèse, etc. Donc ça a été une aide énorme pour rédiger ma thèse et pour réfléchir. Voilà, donc ça c'est comment récupérer des données hein, structurées pour qui nous aide donc à l'analyse. Alors, il fait beaucoup plus, hein. Il explore, etc. Mais moi, je me suis vraiment cantonnée à cet aspect-là de ce logiciel. Alors, je vais reprendre maintenant mon diaporama. Ce que je voudrais vous montrer maintenant en dernier, quand même. Ça, vous le verrez par vous-même. Hein. Ce que je vous disais, je n'ai pas pu vous montrer. Il était trop lourd. Ma thèse était trop lourde à charger. Donc, là, vous pourrez cliquer, voyez, sur tout ce qui est bleu et vous verrez ce que ça donne si ça vous intéresse. Donc, utiliser TEI a permis de référencer les analyses et de les vérifier. C'est allé au-delà d'une simple publication. pour faciliter le dépouillement, l'analyse, la production de résultats. Pour réutiliser le processus pour d'autres analyses ultérieures. Comme je voulais dire, j'ai récupéré ce que j'avais fait en maîtrise en DEA pour ma thèse. Donc j'avais déjà 150 sources déjà transcrites. Pour moi, ça a été une véritable aide. Et donc, avec des contraintes, mais une véritable aide. Mais voilà, c'est que moi, ça ne me suffisait pas. Donc, ayant un mari spécialiste en visualisation, je lui ai demandé des visualisations. Alors, on va prendre 3 minutes pour que je vous explique, 3 minutes, 5 minutes, pour que je vous explique ce qu'est la visualisation. Parce que souvent, j'entends ce mot à la place de affichage. La visualisation, ce n'est pas de l'affichage. C'est la visualisation. Alors, bien sûr, ce que je reprends là, c'est ce qu'explique mon mari, lui, pendant un quart d'heure, une minute. Moi, j'ai fait un condensé pour vous donner les grands traits. Je ne peux bien sûr pas le remplacer. Quand j'ai besoin, je lui demande. Lorsqu'on a des données et qu'on cherche des questions intéressantes, on doit explorer. Voilà, ça c'est le problème. Principe de l'analyse exploratoire, c'est utiliser nos capacités visuelles pour détecter des phénomènes inattendus. Alors, bien sûr, c'est une spécialité ancienne. La visualisation est une aide à l'analyse depuis très longtemps, et vous connaissez certainement les travaux de Jacques Bertin, ici à l'École des études. Travaux très importants, mon mari s'est basé sur ces travaux, il l'a rencontré, et M. Bertin était anéanti, puisque, comme il lui a dit, je suis née beaucoup trop tôt. Voilà. Donc, s'il avait eu des ordinateurs comme aujourd'hui, il aurait fait beaucoup plus. Mais malgré tout, les travaux aujourd'hui reposent sur ses travaux à lui. Alors, l'interactivité donc, d'aujourd'hui, ce que lui n'avait pas à l'époque, l'enrichit énormément à la visualisation. C'est ça, le phénomène nouveau. L'inconvénient de la visualisation, c'est que c'est très difficile à utiliser sur des données non structurées ou même semi-structurées. Il faut que ça soit structuré, point. Donc il faut investir. Les objectifs, c'est avoir une vue d'ensemble et une construction d'hypothèses et d'analyses. Alors maintenant, ça c'était la partie un peu rébarbative. Voilà. Voilà un exemple. Alors ça, je l'ai pris dans mon salon. On a ce qu'on peut chez soi. Donc, ça fait 10 ans que je l'ai dans mon salon. Donc, c'est une carte figurative de la fin, je crois, de 1880, pardon, du 19e siècle, qui a été faite à la main. Et donc, c'est la campagne napoléonienne sur Moscou, de Russie. Je n'ai pas besoin, même si nous savons, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous comprenez tout de suite. Ici, c'est le départ, en couleur claire, et le retour est en noir. Voilà. Donc alors après, vous pouvez travailler dessus si vous le désirez, mais immédiatement, on a tout compris. Ça, c'est un exemple de carte qu'on appelait à l'époque figurative. Et donc, c'est un très bel exemple. Alors, voici un exemple que j'ai rajouté il y a 2 jours, hein, parce que, voilà, je l'ai découvert il y a 2 jours. Je me disais, tiens, je vais leur montrer. Donc, voilà une visualisation qui a été faite. Alors, vous, j'ai même mis la référence, hein, mais elle y est aussi à la fin. Et donc, j'ai trouvé surtout celle-ci passionnante. Pour moi, je suis un peu une fan de Tolkien. Et je l'ai trouvée passionnante. J'ai regardé ça avec mon fils. On a trouvé ça extraordinaire. Donc, bien sûr, en noir, sont des méchants, etc., etc. Donc, voilà. Voilà des gens qui font de la visualisation sans parler de TEI. Hein, je ne vous parle pas de TEI. Là. Je parle simplement de structuration de données, etc. C'est tout. Alors, d'autres exemples. Alors ça, c'est un exemple qui sort de Many Eyes, qui est en ligne, et c'est tiré du Nouveau Testament, et chose inattendue, n'est-ce pas, c'est Jésus qui est le plus connecté avec tous les personnages. Donc vous voyez, bon, c'est flagrant. Hein. Alors, une remarque, il y a strangemaps.wordpress.com qui contient la fameuse carte de la retraite de Russie. Il y en a 442 autres, aussi étranges les unes que les autres. C'est que sur de la carto, hein, donc c'est pas exactement oui, là. Oui, oui, oui, c'est oui. Une partie de la visualisation. Oui, tout à fait. Et la retraite de Russie est dans ces 442 cartes étranges, certaines étant humoristiques, mais beaucoup étant des essais, enfin des croisements de sens symboliques. C'est, je mettrai sur le Twitter. Le, ouais, c'est bien ça. C'est amusant. Ouais, mais ouais, c'est aussi illustré. Enfin, oui, c'est pas que la visualisation. Et, quoi, en plus, je m'en lasse pas. Alors, ça, c'est un, ça, c'est fait par mon mari. Il s'est amusé à faire la copulation de Myria entre 2004 et 2008. Et donc, sans explication, a envoyé des blobs. Hein. Là, c'est des gens qui travaillent contre eux. Ça, c'est très facile à faire. Hein. Il a récupéré des données à l'INRIA, qui n'est pas du tout fait pour ça. Hein. Voilà. Donc, alors, bien sûr, sur l'ordinateur, on peut zoomer, on peut tirer les traits, etc. Hein. Après, il y a tout un travail que moi, là, je ne peux pas vous montrer. Je vous donne des exemples comme ça. Hein, figé. Alors, c'est un exemple que mon mari aime bien. C'est la visualisation de la visite d'hôtel au 19e siècle aux États-Unis. C'est, je ne sais plus qui, une université américaine qui a repris cet exemple-là pour montrer le circuit un peu des commerciaux du 19e. Et voilà ce qu'ils en ont fait, donc voilà leur base. Hein. Et voilà ce qu'ils en ont fait, donc ils, à gauche et pour toutes leurs analyses. Et ils ont fait entre autres une carte où ils montrent donc les allers-retours. Là, pareil, moi je ne veux pas vous l'expliquer. Précisément. Mais voilà, voilà ce genre de choses qu'on peut faire. À partir d'un registre. Alors, on va revenir à TUI quand même, parce qu'on s'est un petit peu éloigné. Donc, TUI, pas de problème. Hein, ça structure, il structure un contenu, donc on peut l'utiliser. Bah oui, mais la TUI ne permet pas de faire ces graphiques, ces visualisations, etc. TUI ne s'intéresse qu'au caractère. Alors, pour passer de TUI à du graphisme, on a besoin d'une autre technologie qui est donc cette visualisation. Associer TUI avec la visualisation permet de faire l'édition graphique des analyses structurelles d'un texte. Voilà, donc c'est deux technologies très différentes, mais associées l'une à l'autre peut produire des résultats édifiants. Alors je vais passer parce que je ne veux pas trop m'étendre, mais c'est ce que vous allez voir maintenant. Voilà. Alors, bien sûr, au départ, j'ai fait ce genre de graphique. Il n'y a rien d'étonnant. Sauf que on l'a fait en cliquant quand même. Hein. C'est grâce à un faux zoom. Donc, voilà. Bon, ça, vous connaissez. C'est classique. Ça, c'est un peu moins classique. C'était en fin de maîtrise où j'ai voulu faire comme ça un graphique pour voir les délais entre le crime et la rémission du roi. Et en réalité, comme j'avais bien encodé, j'étais une bonne élève, eh bien, j'avais ma date de crime, j'avais ma date de rémission, et lui m'a fait ça en un quart d'heure. À l'époque, il n'y avait pas les outils d'aujourd'hui. Il a réalisé cet outil également pour moi en fin de DEA, je crois, qu'il a appelé Compus, qui a fait l'objet d'une publication aux États-Unis. Et pour moi, c'était important pour montrer... pour visualiser XML. Alors, tout en haut, vous avez en orange le header que je n'avais pas du tout rempli, et ça, c'est pas bien. Ça se voit bien. Ensuite, ici, vous avez le body, le corps du texte. Dans cette partie-là, vous avez ce qu'on appelle le back, parce que c'était tout ce qui était glossaire, et puis j'avais d'autres choses qui étaient externalisées. Et enfin, en rose, c'était mes notes, parce que je faisais toujours un résumé à la fin de mes fichiers. Donc, bien sûr, quand je regardais ça au départ, j'ai eu des manques, et visuellement, je savais tout de suite donc, où aller, dans quel fichier, et qu'est-ce qui m'était arrivé. Cela m'a beaucoup aidé. Alors, je vais passer sur les arbres généalogiques. D'habitude, je m'y attarde beaucoup, mais là, on va oublier, parce que j'ai tout fait manuellement à l'époque, et c'est Jean-Daniel qui a été obligé de me créer un affichage, puisque les logiciels de généalogie faits par les informaticiens au XXe siècle ne peuvent pas être utilisés par des sésémistes comme moi. Les informaticiens sont ont une morale beaucoup trop rigide et et donc empêchent certains mariages que moi je rencontre. Donc quand, par exemple, une veuve se marie avec son gendre veuf, eh bien l'arbre est coupé. Voilà, donc je ne pouvais pas l'afficher et le logiciel perdait les pédales. Donc, le fonctionnaire m'a fait donc, des affichages. Et comme je râle depuis 10 ans, et bien ça y est, depuis un mois, il est en train de travailler sur les arbres généalogiques, et pour ça je n'en parle pas. Et donc, il faut simplement qu'on s'y mette, et le code est fait, hein. Maintenant il faut améliorer. Donc peut-être dans 6 mois, je pourrais vous en parler, quand ça sera publié, etc., etc. Je dois travailler avec son équipe, et avec les États-Unis. Alors, encore un problème qui sera résolu, le transfert des terres, puisque l'arbre généalogique, c'est une base, mais on peut suivre la dévolution des biens sur l'arbre généalogique. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça va être fait après. Avec, pardon. Alors, encore une aide à la narration. Mes flèches ne sont pas belles. Hein. Si j'avais eu le temps, je vous les aurais refaites. Pareil, pour expliquer une histoire, mais bon. Et ça, la visualisation le permet aussi. Donc, ça sera avec dans 6 mois, on va dire, quand les équipes auront fini leur travail. Réseau social. Alors, bien sûr, ici, nous avons un spécialiste, donc je ne vais pas trop en parler. Alors, pareil, c'est un sujet que traite Jean-Daniel Fekete. Mon réseau à moi, il l'a fait en 5 minutes. Là où il a perdu du temps, c'est qu'il a cherché des algorithmes pour mieux représenter mon réseau. Mais tout était fait à la base. Alors, je vous passe l'explication, etc., etc. Parce que bien sûr, il y a tout un discours. Ouais. Alors, il a pu me faire aussi les cartes au dernier moment. Le problème a été juste de choisir un fond de carte. Et en fin de compte, au bout d'une journée, on a décidé de prendre Google. Mais autrement, la situation des villes est permise dans TEI. Hein, et on a des attributs pour ça. Et donc, tout se fait automatiquement. Moi, je n'ai rien fait. Hein. Alors, la carte de migration, le nom m'échappe en anglais. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que je voulais mettre la temporalité. Le problème des arbres généalogiques, c'est pareil. Il faut mettre la temporalité. Hein, c'est très, très important. Et donc, dans ces cartes de migration, c'est pareil. Il manque ici la temporalité. C'est-à-dire que ma famille part d'Angers, une partie va vers la Bretagne. Et une autre partie, Saumur, Tours, Paris, et il y en a même un qui part après pour Quimper. Mais on n'a pas les dates ici, ça, c'est ce qui manque. Donc ça, c'est encore un projet à finir. Alors, après l'ère de la mise en page, hein, voici celle arrivée du contenu. Structurer un texte rend explicite le sens du texte. TEI est aussi un instrument d'analyse, un outil qui permettra l'exploration d'une quantité de données en augmentation constante. Alors bien sûr, là, je vous ai montré mon expérimentation qui commence déjà à dater. Alors, je reprends 4 grandes idées que j'ai prises, bien sûr, à mon maître, hein, Lou Bernard. Il faut maîtriser l'ordinateur car c'est notre manière de nous exprimer maintenant. On n'y coupe pas. Hein. TEI nous y aide. Deuxième grande idée, le texte a une structure et une signification. Troisième grande idée, le balisage explicite, hein, je vous disais que le mot était important en début de mon intervention, s'intéresse plus au contenu qu'à la mise en page. Il faut oublier un peu hein, cette mise en page. Le texte, enfin, est quelque chose d'abstrait. La construction du texte vient des lecteurs. Et là, j'ajoute, garder le texte original. Parce que justement, comme c'est une construction, il vaut mieux avoir transcrit un texte correctement, et après on peut en faire tout ce qu'on veut, mais pas y revenir à tout bout de champ. Hein, la base doit être bonne, doit être propre, comme je dis si bien. Alors les perspectives. Je vous ai parlé des réseaux sociaux, c'est encore un problème récurrent. Les arbres généalogiques, de même. Les analyses textuelles également, je vous ai mis la textométrie. Et enfin, les variantes. Alors ça, les variantes, il y a tout à fait. Des outils d'analyse et d'exploration sont mûrs, maintenant, aujourd'hui, mais il manque la connexion entre les données et les outils. Et pour avoir cette connexion, on doit utiliser une seule convention commune. Moi, je propose TEI. Voilà, alors je vous ai mis les références Internet et... Après, vous avez une liste de publications que vous pouvez reprendre. Peut-être que je laisserai... Oui, on le mettra dans le blog d'édition électronique ouverte qui contient, contiendra le PowerPoint. Merci. Merci. Si vous avez des questions. C'est vrai. Combien de temps vous avez mis pour baliser et coder et écrire la thèse en... Parce qu'elle nous a dit qu'elle n'avait rien fait. Moi, j'ai bien retenu ça. Je n'ai rien fait, mais il y a bien... Alors, combien de temps il y a... Moi, j'ai oublié parce que ce sont des choses qu'on doit oublier. Mais dans, mais dans les publications, vous avez ça. Au début, on a quantifié. Donc, vous allez retrouver dans les publications... ces données. Dans le document numérique, je crois. Parce qu'au fur et à mesure, on faisait des papiers. Et donc, c'était un élément primordial. Alors, c'est vrai que c'est décourageant, hein, je vous l'avoue. Mais quand après, quelqu'un passe derrière vous et fait tout ce que je vous ai montré en dernier, ça, tout ce que je vous ai montré en dernier, on l'a fait à partir de 2006-2007. Or, j'ai soutenu en septembre 2007. Les cartes datent de début 2007. Juste avant que je rende mon mémoire. Donc au dernier moment, et moi j'ai rien fait. Alors si vous voulez, c'est un investissement, c'est évident. Mais alors, on n'imagine pas quand on le fait, ce qui va sortir. Il faut accepter un peu l'inconnu et l'aventure. Moi j'ai confiance en mon mari, hein, mais je reconnais qu'il faut avoir confiance dans les informaticiens. Vous devez travailler avec les informaticiens. Pour moi, ça me paraît évident. Même encore aujourd'hui, même s'il y a des outils aujourd'hui. Il y a plein d'outils qui sont sortis. Moi, j'ai commencé, je tapais les balises, je tapais title à la main. Hein, donc, heureusement, maintenant, Oxygène vous permet de faire des choses admirables. Bon, Eclipse, moins bien. Mais non, il y a des outils qui vous aident beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais malgré tout, quand vous commencez à encoder, vous ne savez pas trop ce que vous allez avoir. Et ça vous aide aussi à réfléchir. Donc, bon. Il commence à réfléchir dès le départ, mais ça vous permet d'incrémenter également dans votre encodage. Alors, c'est sûr qu'il faut se donner, c'est ce que je n'ai pas fait dans ma maîtrise, hein. Il faut se donner des limites. Parce que, autrement, c'est une tour de Babel. Hein. Il faut se poser des, oui, faut proposer des limites. Vous terminez en disant il faut une convention commune. Moi, je propose que ça veut dire qu'il y a des rivaux sérieux ou qu'il n'y en a pas. Qu'il y a des rivaux, pas d'autres possibilités. Non, alors je pense que quand je mets ça, c'est que je pense à tout ce qui est catalogage. Donc, quand je donne des formations auprès des bibliothécaires, par exemple à l'ENSIB, et j'ai ces questions-là tout de suite, ce sont des questions qui m'arrivent, à mettre du BIMCOR, METS, EAD, XMLNM, DocBook. Alors, on en trouve toujours des nouveaux. Il y en a plein. Parce qu'en réalité, souvent, ce sont des dérives. Et puis, vous avez les Dubincor revus et corrigés. On a juste changé une balise pour faire bien, parce que c'est le mien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça me sidère, personnellement. Moi, je n'ai rien inventé. Tout est générique. Ce que j'ai inventé, c'est les valeurs dans les attributs. Mais typologie, c'est moi qui les ai inventées. Ça, TEI ne vous les donnera pas. Hein. Si vous pensez aller sur le site de TEI et tout de suite vous avez les typologies, les taxonomies, oubliez tout de suite. Ça, il faut que vous travaillez. Il faut réfléchir. Ça, c'est pas TEI qui va vous donner. Vous voyez, il vous donne le cadre, mais c'est à vous de travailler. Et ça fait travailler, c'est sûr. Et c'est une autre façon de travailler. Donc, il faut oublier certains. Moi, c'est facile pour moi, hein, je le reconnais. Mais il faut oublier la méthode traditionnelle. Il faut oublier plein de gestes un peu réflexes, quoi, et repenser toute la méthodologie. Vous n'avez pas parlé d'ontologie, c'est un choix. Oui, d'accord. Oui, on ne peut pas parler. Non. Bon, puis c'est autre chose. Hein. Oui, non, mais je dis ça. Parce que ça cite le sujet. Ouais, concernant votre expérience, justement, c'est un codage a priori au départ. Est-ce qu'en cours de route, si le codage ne fonctionne pas, vous avez pu modifier? Oui, c'est ça qui était bien. C'était vachement bien. Alors, moi, quand j'ai trouvé ça aisé ou à ajouter au dernier moment. Ça a été le cas pour ma maîtrise au dernier moment. J'ai voulu faire quelque chose. On m'a dit, t'as fait ça. J'ai dit oui. Puis, il manquait un élément. Alors, avec IMAX, ça a été hyper simple. J'ai fait ça en un quart d'heure, mais 150 lettres. Mais bon, je connaissais IMAX, hein, je savais comment l'utiliser. Donc, ça aide. Avec Oxygène, je ne crois pas que ce serait possible. Je le fais en un quart d'heure. D'accord. Est-ce qu'il y a des passerelles aussi avec les lycées de base de données pour les lycées de base de données? Et avec des bases de données, je ne sais pas. Parce que autant c'est, je... c'est structuré, on pourrait. Ouais, ouais. Ça, c'est Bernard qui pourrait répondre à ça. Après, il faudrait qu'on sache vraiment. Donc moi je vais me situer, tu as parlé de l'étape 0, donc on en est à 0,5, étape 1. Oui, on arrive avant la TEI. Et alors sur un projet qui va permettre de se frotter aux variantes. Alors, ça va prendre avec moi. Oui, il faut que je décroche ma clé 3G. Je vais juste très, très brièvement présenter le support du projet. Il est situé. Je vous montre des images de manuscrits. On fait un grand écart, un grand retour en arrière. Donc le projet sur lequel un des projets principaux sur lequel le BRIL est engagé actuellement et pour lequel Nicole va nous rejoindre à partir du mois d'avril, parce que tout seul, c'est l'édition d'un texte qui a été édité, donc, qui s'appelle La vie de Michel de Marillac, par Nicolas Lefebvre de Réseau, donc proposé par Laure tout à l'heure du secrétaire, du secteur principal, avec des enjeux qu'on souhaitait creuser. Donc on est au XVIIe siècle. Michel de Marillac, c'est un garde des Sceaux qui est arrêté sous Richelieu après la journée des dupes. Une période avec toute une série de procès politiques. Il est mené très rapidement en résidence surveillée à Châteaudun, pour parler rapidement. Et il meurt en 1632. Point de repère chronologique, Richelieu meurt en décembre 1642 et en 1643, Lefebvre de Lézot rédige un manuscrit qui est daté de 1643, donc juste après, où il est question de la vie de Michel de Marillac. Alors, on n'arrive pas bien encore à savoir quel type de document c'est. Est-ce que c'est un document hagiographique en vue d'une canonisation? Est-ce que c'est... Bon, voilà, c'est aussi un des objets, un des enjeux de cette édition. Il reste actuellement dans les bibliothèques parisiennes 5 manuscrits. Il y en a un aux Archives nationales, il y en a 2 à la BN et il y en a 2 à Sainte-Geneviève. Nous allons nous intéresser aux 3 premiers et je vous expliquerai pourquoi en vous montrant les images du manuscrit, vous comprendrez rapidement. Ce texte n'a jamais été publié sous forme imprimée, alors qu'un privilège existait. Donc ça aussi c'est une question qu'on va essayer de débroussailler. La première édition papier de ce document date de 2007, mais s'appuie sur les deux derniers manuscrits qui sont en fait les plus lisibles. Parce que comme vous allez le voir, les 3 premiers sont abondamment raturés. Et au début, on a cru que les 3 premiers manuscrits se présentaient un peu comme des corrections d'épreuves. Parce que sur certains chapitres, ça apparaît de cette façon-là. Le premier manuscrit, il y a des ratures, des corrections. Le deuxième manuscrit a intégré les corrections, il y a également des ratures. Et le troisième est beaucoup plus propre. Donc on s'est dit, wow, c'est formidable, on a... Bon, en fait, je pense que la succession chronologique est bonne, mais on n'a pas un circuit qui est lisse, disons, il y a des petits décrochages, parce qu'il y a certaines corrections qui sont faites dans le premier manuscrit, qui ne sont pas intégrées dans le deuxième, et qui sont réintégrées dans le deuxième, enfin bon, donc c'est un peu décalé, mais la ligne chronologique est bonne. Ce document, en gros, il y a 25 chapitres, que l'on retrouve sur l'ensemble des 3 manuscrits, je vais rester à 3. Sauf ici, on a décidé de vous montrer un cas extrême. Surtout, rassurez-vous, c'est pas l'ensemble des textes ne sont pas dans cet état-là. Il y a un chapitre en particulier, c'est le chapitre 16, qui traite de considérations sur la Ligue. Alors, c'est un sujet très, très, très délicat sur le point de vue politique, religieux, ça, Christian interviendra là-dessus. Mais ce chapitre-là est abondamment raturé sur les deux premières versions. Il est encore raturé sur le troisième, il est raccourci, et à partir de la quatrième version, il n'y en a plus. Bon, donc là, il y a un enjeu. Objectivement, c'est flagrant. Donc, je vais peut-être vous montrer. Alors, j'ai essayé de faire un montage, mais finalement, j'ai laissé tomber et je vais vous montrer si j'y arrive. Façon d'envoi du travail. Voilà, peu de travail. À ma disque. Voilà. Alors, je vais vous montrer. En plus, je trouve que c'est des documents qui sont vraiment très beaux. Donc, vous verrez dans ce manuscrit-là, il y a donc une main, un secrétaire qui a écrit. On pense que c'est le Ferre de Lézot lui-même. Ça, on arrive à en parler. Il y a des corrections. On n'est pas encore sûr de la personne qui a annoté, mais c'est la même main qui corrige sur au moins les deux premiers. Non, c'est bon. Chapitre 16. Donc en fait, pas rentrer dans le détail, mais je vais vous montrer les manuscrits, ça sera beaucoup plus parlant que tout ce que je pourrais dire. Donc ça, c'est le premier. Donc déjà, on voit qu'il y a des titres, enfin des sous-titres qui changent. Alors ça, c'est le premier. Voilà. Alors il y a plusieurs types de ratures, il y a plusieurs types de corrections. Il y a des corrections dans le texte, il y a des corrections, il y a des annotations. Donc, c'est pas des annotations marginales, c'est une espèce de mise en de paragraphes là sur qu'on voit sur le côté. Et alors je vais arriver un peu plus bas. Voilà, alors voilà, là on arrive à ce qui sur papier, une édition papier n'est pas concevable. Enfin, voilà, on arrive à des choses comme ça. Et donc ça, comment essayer de rendre ça? Et pas, c'est pas pour le plaisir de montrer toutes les ratures. C'est que, apparemment, en tout cas dans ce chapitre-là, c'est là que se jouent des choses. C'est dans les ratures et dans les corrections que se jouent des choses au niveau du politique et du religieux. Voilà, donc là, le document. Donc nous, ce qu'on a fait pour le moment, c'est qu'on a retranscrit sous Word l'ensemble des trois versions avec notre propre système pas d'encodage, parce qu'il y a d'encodage, mais de marquage des variantes pour qu'on s'y retrouve au moment du passage en théorie. Et donc nous attendons Nicole. Donc ça c'est le premier, comme vous avez vu en gros. Pour revenir en arrière. Je vais montrer le deuxième. Qu'est-ce qu'il y a ? Et alors en plus il y a plusieurs types de ratures. On les fait moins beau parce que c'est un fichier type. Voilà. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Sachant qu'il y a une série. En plus, il y a plusieurs types de ratures. Il y a des ratures où on peut lire en dessous et des ratures où on ne peut pas lire en dessous. Qui sont des ratures en rond comme ça. Bon, on a réussi à reconstituer le texte. Voilà. Et je vous montre juste le dernier pour par curiosité. Donc en fait, en gros, vous avez vu l'état du manuscrit. Donc voilà, c'est ça qu'on voudrait faire. Rendre ça, et qu'il nous a fallu du temps pour comprendre que sur papier, c'était pas faisable. Et voilà, donc on va essayer, c'est une espèce d'expérience grandeur nature. Et après, comment, une fois que ça sera encodé, ça c'est le premier, ça je pense que c'est une question de temps et ça va marcher. Après c'est comment rendre ça visible. Voilà. Donc, ce qu'on propose là, c'est quand on aura déjà quelque chose, c'est de vous réinviter dans un an et demi pour vous soumettre des premiers résultats quand on aura. Voilà. Donc là, je vais passer la parole à François Xavier. Je pense que c'est. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces. Pourquoi est-ce que ça vous semble impossible sur papier? Enfin, on voit parfois des choses oui, très étranges. Oui, mais non, non, impossible, non, mais pas très aisé. Des variantes de. Ça impliquerait quoi? 3-4 niveaux de notes. Ou alors on sélectionne. Enfin, de toute façon, il y aura des sélections. On va pas. Comme disait Nicole, il est hors de question de faire une. On va pas tout encoder. Ça, à ce moment-là, on met le fax. On s'arrange pour avoir les droits de production et on met le facsimilé en ligne. Alors, ça serait une idée aussi. Moi, j'aimerais bien que le facsimilé un jour atterrisse. Là, il y a un problème avec les bibliothèques, mais bon, on a ça pour après. Mais c'est pas seulement pour le donner à lire, on va essayer. Le but du jeu, c'est aussi de travailler, de s'en servir comme objet, comme travail de recherche. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire comme ça. Et c'est marrant. J'ai revenu un peu justement sur cette question. T'as besoin de. Non. Je vais faire ça à l'ancienne. Bon, écoute, je te laisse. Voilà, alors moi je vais essayer de présenter un petit peu assez rapidement les enjeux de cette édition à partir de l'auteur du texte et voir en fait comment est-ce qu'on en est arrivé justement à cette hypothèse, à cette possibilité de faire une édition électronique, une édition électronique numérique. En tous les cas, en passant par le format TU. La question qui se pose à nous, historiens, c'est que faire face à un objet comme celui-ci, face à ces différents manuscrits, à différentes dates d'écriture, quels sont les enjeux qui en ressortent et comment les rendre intelligibles, et comment entrer dans une démarche historique par rapport à cet objet-là. Comment s'en débrouiller, avec quels outils on peut procéder. Voilà un peu le cadre de départ, les problèmes qui se posent à nous. Alors, je voudrais justement insister là-dessus et montrer comment finalement l'informatique devient un outil au service de l'historien de manière à rendre son analyse plus éclairée en devenant capable en quelque sorte d'embrasser un certain nombre de données qui sont superposées et que l'on peut, grâce justement à l'outil informatique, démêler et envisager ensemble pour pouvoir produire une interprétation plus éclairée et donc plus pertinente. Le cheminement qui a été le nôtre commence par un travail nécessaire de contextualisation, hein, ça c'est relativement classique, hein, en se posant la question « Qui est Nicolas Lefebvre de Lezot ?» C'est la question que j'ai voulu moi affronter et vous présenter ici. C'est donc la première question qui s'est posée à nous. Alors, quelques éléments concernant Nicolas Lefebvre de Lezot pour montrer quelles sont les problématiques qui germent à partir de cette présentation de l'auteur et comment est-ce qu'on rentre dans l'analyse du texte et qu'est-ce que l'on peut en retirer. Nicolas Lefebvre de Lezot est donc un ami de Michel de Marillac, alors plusieurs hypothèses se posent, un ami admiratif, un collègue, éventuellement un collaborateur ou en tous les cas un témoin privilégié de l'action du garde des Sceaux durant hein, toute sa carrière professionnelle. Cependant, dans la préface de son texte, hein, ceci vous a montré quelques éléments du texte, dans la préface de son texte, hein, Nicolas Lefebvre de Lezot écrit un certain nombre de phrases, fait un certain nombre de paragraphes et d'assertions qui place son texte sous le signe de la postérité, de la dévotion et de la politique. Et c'est là qu'on commence à avoir des points d'accroche. Une phrase pour vous donner un exemple, Lefebvre de Lezot écrit « J'ai cru devoir ce service à la postérité de rédiger ce que j'ai vu, connu et appris de la sainteté de vie, solide dévotion et rare vertu du très illustre garde des Sceaux de France, messire Michel de Marillac, et ne pouvoir éviter le nom de prévaricateur à ma patrie, si j'en laissais écouler, la mémoire et tomber en oubli. On ne peut en effet s'en tenir à la simple biographie de Lefèvre de Marillac. Le récit de vie en tant que tel est intéressant, mais cet ouvrage, cette œuvre, recèle des enjeux beaucoup plus importants qui dépassent largement le problème de la biographie. En effet, le texte et la vie de Nicolas Lefèvre de Ledeau sur Marillac et la vie même de Nicolas Lefèvre de Ledeau portent les marques du parcours dévot, tant intellectuel que spirituel que politique, au cours du XVIIe siècle. Parcours dévot, tant celui de Michel de Marillac que de Nicolas Lefèvre de Ledeau. En quelque sorte, on pourrait dire que le texte est imprégné d'aspirations et de conceptions politiques, de choix religieux, et finalement d'une certaine mise en scène, d'un mode d'être dans le monde. Et c'est cela que l'on voudrait envisager. Donc, ainsi, derrière la biographie, dessous la biographie, ou en même temps, il y a un certain nombre d'enjeux qu'il faut réussir à démêler, à comprendre pour produire véritablement de l'interprétation historique. Alors, comment faire, par où pouvons-nous passer et comment en arriver à l'outil informatique? Je voudrais m'arrêter d'abord sur Nicolas Lefèvre de Ledeau. Pour comprendre une œuvre, hein, classiquement, on s'attache à la contextualiser en faisant appel à l'auteur, à ses choix, à son parcours, à sa vie, à ses engagements, à ses aspirations, pour pouvoir comprendre quelle est sa position de parole et qu'est-ce qu'il veut dire. Alors, Nicolas Lefèvre de Ledeau, hein, quelques éléments biographiques pour bien comprendre. Il est né en novembre 1581. Il est issu d'une des plus prestigieuses et influentes familles de la noblesse de robe, en l'occurrence les Lefèvre d'Orbesson. C'est une famille à l'instruction récente et brillante, conduite par Olivier Lefèvre d'Orbesson, père de Nicolas Lefèvre de Ledeau, qui, selon son testament de 1591, est un homme riche, puisque ses biens sont estimés à environ 315 000 livres. Le parcours professionnel de Nicolas Lefèvre de Ledeau est également un parcours couronné de succès. Lui, il a fait ses études au Collège de Navarre avant de rejoindre l'Université d'Orléans pour parfaire sa formation juridique. Il se retrouve engagé dans une belle carrière dans les institutions de la monarchie. Il devient conseiller au Grand Conseil en 1602, puis conseiller au Parlement de Paris en 1615. Maître des requêtes, de l'Hôtel du Roi en 1618, conseiller d'État en 1640, avant d'en devenir de doyen en 1655. Nicolas Lefèvre de Ledeau meurt en 1680 à 99 ans. Il est donc derrière lui une carrière, une belle carrière, serviteur de la monarchie, comme Michel de Marillac du reste, serviteur de la monarchie. Néanmoins, notons que cette position professionnelle est aussi l'occasion pour lui de promouvoir un certain nombre de ses conceptions religieuses. Il participe notamment à la réformation de l'abbaye de Saint-Denis en 1633-1635 pour la faire passer sous le contrôle d'une congrégation contre-réformée. Tout son parcours est donc marqué par ce service de la monarchie, mais également par cet investissement religieux. Et c'est cela qu'il faut voir, qu'il faut prendre en compte. Après avoir fait ce détour par le parcours professionnel, intéressons-nous très rapidement à ses relations pour comprendre quel est le parcours de Nicolas Lefèvre de Ledeau. Je vous disais, lui qui a fréquenté le collège de Navarre se retrouve, dès sa plus tendre enfance, plongé dans le milieu jésuite, le milieu des héritiers de la Ligue catholique dont il porte la mémoire. En deux mots, hein, la Ligue catholique, c'est le mouvement catholique radical qui, entre 1585 et 1594, s'oppose à Henri IV, en fait que Henri IV plutôt devienne roi de France, et porte, au-delà de l'opposition à Henri IV, une autre conception de la monarchie, une conception qui ne serait pas nationale, si vous voulez, mais une conception qui serait religieuse, en disant que la catholicité prime sur la loi celtique. Les ligueurs, entre 1585, 1588, 89 plutôt, et 1593, 1594, font une véritable révolution urbaine à l'intérieur de Paris et dans un certain nombre de villes, révolution qu'ils vivent de manière très mystique, comme l'Apocalypse, hein, avant la fin du monde. Nicolas Lefebvre de Lezot est donc, dès le début, plongé dans ce milieu des héritiers de la Ligue, dont il porte la mémoire. Ses relations sociales, sont d'ailleurs principalement inscrites dans cette nébuleuse post-ligueuse qui n'a, malgré sa défaite à partir de 1593-1594, rien perdu de ses convictions et de ses certitudes. Nicolas Lefebvre de Lezot est donc un des gros porteurs de conception, d'une lecture du monde héritée du radicalisme catholique. Alors, connaissant désormais son parcours professionnel, ses engagements politiques, son parcours, ses engagements religieux également, se dessine une véritable identité, identité du personnage. Et identité que l'on retrouve à travers tous ses choix de vie. Par exemple, Nicolas Lefebvre de Lezot aura 5 enfants, dont 4 fils, mais contrairement au modèle familial de l'époque, de l'Ancien Régime, Nicolas Lefebvre de Lezot ne cherche pas à marier ses fils, à fonder une lignée, à leur permettre d'avoir une position sociale enviable. Loin de ses considérations et de ses intérêts lignagés, Nicolas Lefebvre de Lezot s'engage toute sa vie au profit d'une action pieuse, d'une action charitable, et notamment de couvents réformés comme celui du Petit Saint-Antoine à Paris. Nicolas Lefebvre de Lezot choisit donc la charité plutôt que la lignée, à l'inverse hein, d'autres branches de la famille, des Lefebvre d'Ormesson qui, eux, ont connu carrière et ascension. Jean d'Ormesson en est aujourd'hui le lointain héritier. Ainsi, hein, il y a là véritablement un choix de vie guidé par ses conceptions religieuses et par ses conceptions politiques. D'un point de vue politique, justement, Nicolas Lefebvre de Lezot a été actif autour, justement, de toutes les controverses entre les dévots et les royalistes. Je pense notamment à l'affaire du Père Cossin, qui était le confesseur du roi qui s'est heurté frontalement à Richelieu en 1637-1638. Dans ce parcours dévot, l'écriture est au cœur de l'engagement. Et Nicolas Lefebvre de Lezot a écrit notamment un petit traité. On ne sait pas exactement quel est le statut de ce texte, puisqu'il a été publié par la suite, mais on n'a pas la trace du manuscrit, intitulé De la religion catholique, qui est un petit traité qui prend la défense, une défense prudente des conceptions héritées de la Ligue, sans défendre la révolution ligueuse en elle-même, mais en essayant d'en justifier un certain nombre des motifs. La vie de Michel de Mariette, dont il est question ici, fait partie de ce projet d'écriture de Nicolas Lefebvre de Lezot. Et il y a dans ce texte quelque chose de central, de massif et de brûlant dans la France du XVIIe siècle, qui est hein, ce souvenir, cette trace des déchirements passés. L'écriture devient donc le lieu de prolongement d'un engagement politique et religieux, et c'est ainsi qu'à travers l'écrit prend encore l'archétype dévot sous les traits de Michel de Marillac. L'écrit est ainsi une modalité de l'action politique des dévots, en même temps qu'un élément mystique, puisque à travers cette biographie, Lefebvre de Lezot bien souvent transcende la vie humaine pour lui donner une intelligibilité divine. L'écriture dévote est donc la dévotion en acte. Par conséquent, à l'intérieur de ce texte de Lefebvre de Lezot et à travers ses choix de vie, on peut lire une action politique, une action religieuse et un parcours que l'on peut appeler le parcours dévot. L'écriture recèle donc de multiples enjeux. Dès lors, le travail sur ces manuscrits prend un sens différent. C'est ainsi que j'en arrive à l'outil informatique et à son intérêt. Avec Nicolas Lefebvre de Lezot, avec ses différents manuscrits corrigés à des périodes différentes et rectifiés de manière à les rendre conformes à une publication et à ce qui est tolérable à un moment donné, avec Nicolas Lefebvre de Lezot, on peut entrer dans la dynamique de la pensée politique de l'époque. Dans la dynamique de cette pensée politique, on peut approcher de manière plus fine les interdits et les tabous de cette société, les tabous politiques de cette société du XVIIe siècle, mais on peut surtout voir leur évolution. En témoignent les ratures sur lesquelles Cécile a insisté et les différentes réécritures. Dès lors, si l'on superpose ces textes, et c'est là que la méthode informatique de comprendre véritablement le sens, si on superpose ces textes, si on arrive à accrocher un regard superposé, en quelque sorte, on peut voir ce qui bouge, ce qui se déplace, ce qui est admissible et ce qui ne l'est plus, ce qui était acceptable et ce qui devient complètement impossible. Par conséquent, l'informatique nous permet, dans cette possibilité de nous offrir un regard superposé, d'arriver au plus proche des textes, au plus proche de leur dynamique, de comprendre et de faire comprendre ce qui s'y joue. Ainsi, par cette édition électronique, on peut réussir justement à montrer ce feuilletage d'interprétation, en quelque sorte, ces différentes interprétations, qu'on arrivera à tirer de la possibilité de comparer, de prendre ensemble tous ces textes. Par conséquent, c'est pour ça que l'édition électronique apparaît plus intéressante que l'édition papier, parce qu'elle permet justement d'avoir ce regard superposé. Et puisqu'on est dans la superposition, elle permettra à terme, mais là c'est dans beaucoup plus longtemps éventuellement, de mettre la critique, la production historique et interprétative des historiens qui travaillent sur la question, face au texte qui permet, encore une fois, d'enrichir, de gagner encore dans un niveau de ce millefeuille, en quelque sorte, le nom est bien trouvé, de ce millefeuille interprétatif. Voilà donc comment est-ce que, de la contextualisation d'un objet, on en est arrivé à cet intérêt pour l'édition numérique, et comment est-ce que on a considéré que c'était l'outil le plus approprié pour arriver à obtenir ce regard superposé sur les textes, pour en saisir la multiplicité des enjeux et pour leur restituer toute leur dynamique. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret sur un passage d'évolution, justement, donc un passage qui va être raturé maintenant, ou qui va évoluer d'un manuscrit sur l'autre, qui montrerait ce type d'évolution? Alors, voilà, justement, donc, je ne vais pas répondre, puisque c'est justement l'approche que va développer Christian Jouot autour du passage sur la Ligue, ou comment le chapitre sur la Ligue se réduit, comment on supprime un certain nombre d'éléments au fur et à mesure que le poids de cet objet devient de plus en plus lourd à porter, de plus en plus impossible à assumer pour les contemporains, pour les dévots, au fur et à mesure de leur évolution. Donc on voit toute la réécriture, on voit ce qui est supprimé, et donc on voit ce qui devient politiquement inadmissible au cours du XVIIe siècle. Voilà. J'insiste pas plus sur mes questions. Là, si vous avez d'autres questions par rapport à la démarche qui est la nôtre, par rapport à l'auteur, je vais peut-être la parole à Christian Jouot pour justement... Je ne vais pas dire grand-chose, juste dire quelques mots... peut-être un peu sur cet objet historique, sans vous faire un cours sur la Ligue, hein. C'est pas du tout l'idée ni le projet aujourd'hui, et dire quelques mots, au fond, sur l'attente d'un incompétent complet, et en face de l'outil dont nous parlons aujourd'hui, et de quelqu'un qui est assez déstabilisé, je dirais, par les pratiques de travail qui vont avec cet outil, y compris, si j'ose dire, les pratiques de sociabilité, parce que quand je vous vois, par exemple, là, devant vos écrans, tous vaquer à vos petites affaires pendant que l'exposé a lieu, je comprends que c'est ce qui se fait couramment maintenant. On regarde son courrier, on va le poser sur les sites internet, etc. Quand on est dans quelque chose qui va être un séminaire, et pour moi c'est assez déstabilisant de voir ça, même si je m'empresse à dire, on l'a toujours fait. Mais on l'a toujours fait, évidemment, dans des pratiques artisanales, plus modestes, plus discrètes, etc. Alors là, il y a une ouverture sur des possibles qui suscite l'étonnement, qui est en rapport, en proportion, avec l'étonnement qui peut venir des perspectives, des possibilités qui sont offertes et que je suis tout à fait loin de maîtriser sur un objet comme le nôtre. Alors, cet objet, bon, c'est un texte pas très intéressant. En ce sens, je vais commenter, je vais dire ça, faire un mot de commentaire sur ce pas très intéressant. En ce sens que c'est un manuscrit qui était connu des historiens depuis fort longtemps. Ah oui, il y a une vie, dans plusieurs bibliothèques à Paris, il y a l'histoire d'une vie de Michel de Marillac, personnage important, garde des Sceaux, donc celui qui se situe tout à fait au sommet de la magistrature dans le système politique de l'Ancien Régime. Et cette vie existe, et bien sûr, beaucoup d'historiens, en particulier au XIXe siècle, ont écrit ce qu'on appelle l'histoire événementielle de cette période, la manière dont les choses se succèdent, les transformations institutionnelles, l'histoire des idées, le comportement politique, etc., etc. Et ce manuscrit est mentionné, mais personne n'a éprouvé le besoin de passer à l'édition d'un texte qui paraissait un peu terne et banal, si on le prenait simplement dans son contenu, au milieu d'autres récits concernant cette période. Alors, il y a une réserve à faire à ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a eu une édition récente, relativement récente, de ce manuscrit, qui a été faite par un chercheur canadien, qui s'appelle Donald Bailey, et qui a fait une édition qui pourrait être comparable à celle que, je ne sais pas, un historien d'il y a 100 ans aurait pu souhaiter faire. Et par rapport à ce chapitre dont on a vu un exemple très raturé, et finalement tellement raturé qu'il a été supprimé complètement du manuscrit, eh bien, il a adopté l'attitude rationnelle d'un historien positif qui se dit, bon, ben voilà, il n'a pas souhaité que ce truc soit publié, donc il ne publie pas. Et lui, il a pris ce qui était visible et il a établi, comme on dit, une leçon du texte en essayant de voir quand c'était possible sous les ratures, pas de ce chapitre-là, mais des autres chapitres. Et il nous propose un texte qui, en fait, n'est pas le texte de Fête de Lézé, mais est un texte tel qu'un historien qui s'intéresse à la période peut souhaiter le voir, le comprendre de manière à en saisir la succession, l'argumentation, les différentes étapes de la narration, etc. Et alors je dis ça parce que, précisément, la TEI, pour ce que j'en comprends, tel que ça fonctionne, tel qu'on... les ressources là, nous ont été montrées, tout à fait saisissantes et extraordinaires, ne s'intéressera pas pour ce texte à ce qu'on pourrait dire, puisqu'il concerne sa structure, son fonctionnement, hein, textuel, sémantique, etc., l'arborescence de son argumentation, etc. C'est sur ce plan-là un texte banal, et développer cette réflexion nous apporterait rien. Je crois qu'il faut partir du constat que c'est un texte qui est travaillé par une tension initiale, qui constitue son premier rapport au temps quand on le lit, quand on le reçoit actuellement, qui est une tension d'un côté vers une reconnaissance de quelque chose qui serait du côté de la légitimité de cette vie qui est racontée, de mananière à la faire reconnaître comme une vie peut-être sainte, ou en tout cas à justifier un parcours qui avait pu être décrié ou écarté des récits légitimes de vie auparavant. Alors, d'un côté, il y a cette tension vers la légitimité avec, par exemple, des appels à des autorités, etc. Donc, on va dire une entreprise de relatif gommage ou une entreprise qui consiste à ternir un contenu politique virulent, de manière à le rendre recevable par des gens dont on suppose qu'il pouvait lui être hostile, mais on souhaite donc que la mémoire de ce personnage puisse être acceptée parmi les figures des grands hommes de l'histoire de France. Alors que même on ne sait pas exactement ce qu'il a voulu faire avec ce texte, mais il y a quelque chose comme ça, une tension vers ça. Et puis d'un autre côté, il y a quelque chose qui apparaît et qui se met à nous concerner quand on voit cet ensemble de ratures. Il y a du travail, il y a du retravail, il y a des choses qui hoquettent, il y a des choses qui semblent disparaître, qui reviennent, et disparaître, qui reviennent, etc. Et c'est évidemment ça que nous, on a envie de questionner, tant pour l'édition, puisque donc il y a ce projet d'édition avec des exigences particulières qui sont celles de la visualisation de ce travail et de l'objet, et il y a aussi un travail d'interprétation, mais qui part précisément de cette tension que j'évoquais, et non pas d'un texte tel qu'il pourrait être restitué donc, dans sa lisibilité classique. Donc le point de départ, c'est bien cette difficulté, donc le manuscrit comme objet, et la nécessité de rendre visible quelque chose aussi bien pour l'édition que pour l'analyse et le commentaire. Alors, ça c'est le point de départ. Alors, après, on s'aperçoit qu'il y a différentes sortes de chapitres. Il y en a qui sont très peu raturés, on se trouve un texte peut-être transparent, d'ailleurs très facilement lisible, dans les différentes versions, comme vous avez expliqué qu'il y en avait cinq. Et puis, il y a donc ce cas limite, qui est ce chapitre 16, qui est raturé de multiples fois, et finalement, tellement raturé, donc il est supprimé. Alors, à partir de là, on se demande, et un premier travail qui consiste à aller chercher, ce qu'il y a dessous, de la manière dont tout ça est trituré, travaillé, et se demander pourquoi c'est supprimé. Alors, ça peut être supprimé parce que quelque chose aurait été écrit là, presque par inadvertance, et le fait de les autres, ce serait en quelque sorte lâcher à écrire quelque chose que finalement, dans cette tension vers du légitime, on a jugé que c'était vraiment trop dangereux. Ou peut-être, c'est une entreprise tout à fait méditée, au contraire, mais qui n'est pas arrivée au bout de son projet. Alors, quoi qu'il en soit, quand on lit ces textes et les différentes versions de près, on découvre quelque chose, j'allais dire, sous l'apparence du terme, puisque l'écriture de l'ensemble est relativement terne, on n'y recherchera pas quelque chose susceptible de capturer le lecteur, une espèce de par exemple, comme dans certains libelles, dans certains ouvrages satiriques, où le lecteur du XXe ou XXIe siècle continue à être capté par une écriture. Ce n'est pas le cas du tout. Mais ce qu'on découvre, c'est, alors c'est là que j'en viens un tout petit peu à la question qui a été posée sans vous en dire trop, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a quelque chose là qui relève de ce que j'appellerais le fantomatique. Quelque chose qui se dit tout en se disant peu, qui apparaît, qui tout à coup saute aux yeux au détour d'une phrase raturée, et qui est finalement la question de la présence, et donc de la mémoire, de cette période absolument cataclysmique dans l'histoire de France, qui est celle des guerres de religion et de leurs différents dérapages dans la radicalité religieuse, institutionnelle, politique, spirituelle. Alors, dans cette tension vers le légitime, c'est toutes ces radicalités qui sont gommées. L'idée n'est pas de les retrouver comme surgissant, comme un sous-texte, etc., mais d'observer dans le texte tel qu'il est, dans sa figuration raturée, comme des sortes de fantômes, une sorte de spectre textuel, d'arrière-plan textuel, de possibles implicites, ou de quelque chose de très explicite, mais très morcelé, très bref, très court. Bon, voilà. Et il faut bien se représenter que ces personnages qu'on a évoqués, on parlait de radicalité. D'un côté, ce Michel de Marillac, c'est un magistrat confiant d'émotion, un homme d'ordre, un homme de loi, un juriste. Et si on regarde leur parcours spirituel, c'est aussi les gens qui ont eu une action politique pendant la Ligue, comme on vous l'a dit, mais qui, après la Ligue, ont eu à reconvertir une sorte d'énergie politique et spirituelle. Et cette reconversion spirituelle, elle s'est établie à travers des pratiques pas très légitimes, justement. C'est des gens, il y a tout un milieu, je passe sur les détails, mais c'est des gens qui étaient dans les visions, la lévitation. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse ces jours-ci, on explique que Jean-Paul II s'auto-flagellait, que c'est une découverte. Ça, c'est la petite pierre, si j'ose dire, par rapport à ce qui se passait à l'époque. Donc, les macérations diverses, Marillac est un des importateurs, puis il y a ça comme ça, en France, du Carmel, par exemple. Une spiritualité radicale et pratiquée pour eux-mêmes, etc. Et un texte qui raconte cette vie, dans un décalage de quelques décennies, doit atténuer toute cette dimension-là, qui paraît à ce moment-là extravagante. Et de même, atténue toute la dimension politique radicale. Et là, dans ce chapitre tellement raturé, on voit, sur un mode parfois presque ironique, revenir quelque chose, encore une fois, en arrière-plan, très discret, qui concerne un projet politique, mais un projet politique qui sera entièrement reformulé dans un cadre acceptable quelques décennies plus tard, et qui pourtant continue à toucher au cœur d'un certain nombre de demandes, de revendications, qui concernent en particulier la dimension spirituelle de l'exercice du pouvoir, qu'est-ce qui, en dernière analyse, rend légitime l'exercice de la violence, d'une part, et d'autre part, qui concerne les contre-pouvoirs en face du pouvoir monarchique, et en particulier le pouvoir des compagnies souveraines, par exemple comme le Parlement, etc., qui, en quoi est-ce qu'elles sont un pouvoir représentatif? Et là, on a là quelque chose, on a une sorte de ferment révolutionnaire tout à fait réel. Alors, vous voyez, le problème du point de vue de la représentation et de l'analyse, c'est de pouvoir avoir un outil qui nous laisse atteindre quelque chose qui probablement a été édulcoré, mais là, et que les analyses textuelles ne permettent pas d'atteindre. Alors, ce chapitre 16, il permet de repérer ça. Beaucoup d'autres chapitres, pas du tout. La question est, si on arrive à mettre au point un outil d'apparition des fantômes, est-ce que cet outil est transposable, par exemple, peut devenir transposable sur d'autres chapitres? Et comment? Alors, quelle méthode? Ça, selon quelle forme de figuration voilà. Et je crois que c'est un enjeu de l'édition pour l'analyse du texte. Alors, bon, peut-être que je m'arrête là, à moins qu'il y ait d'autres... Et du coup, on aimerait peut-être savoir où est au niveau de l'équipe, où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion sur l'utilisation de la TEI pour l'encodage de ce texte. Et, on va. Nicole nous rejoint en avril. D'accord. La confrontation avec TEI va commencer en avril. Pour le moment, on a mis en place tous les mois, on va travailler sur un chapitre pour essayer de. Une séance, un chapitre pour essayer de voir ce qu'on peut essayer de faire surgir sur ce chapitre dans les variantes, et puis après on verra. Bon, ça c'est une première idée, peut-être qu'on va la changer en cours de route, et après les choses avanceront en même temps. Parce que l'idée aussi c'est pas d'attendre d'avoir analysé tous les chapitres, d'avoir encodé tous les chapitres et pour les mettre en ligne. On veut avancer si. La visualisation, enfin, quand on aura un ou deux chapitres, on aura, voilà, puisqu'il y a le problème des variantes, rien que la visualisation des variantes, par exemple. Mais de mettre en ligne au fur et à mesure, c'est beaucoup plus stimulant. Et puis, d'abord, ça permet de confronter avec d'autres qui ne rentrent pas dans le texte, mais voilà, de rendre des visibles et discutables. Mais. Tout le travail. Parce qu'après, comme Nicolas a expliqué, la théorie ne suffit pas, donc il faut. Mais en fait, c'est comme la confrontation de plusieurs coups d'œil très différents sur. On dit un chapitre par mois, en gros. Et c'est la réunion de ces coups d'œil et cette espèce d'échange dans cette plateforme qui doit permettre de. Faire surgir un peu plus nettement ce qu'on peut faire avec la TEI et de dégager des lignes différentes qui ne sont pas simplement ça peut être formel, ça peut être la ponctuation, mais ça peut être aussi d'autres choses, c'est-à-dire que l'analyse de ce qui se passe peut aussi faire soulever d'autres points, on n'a peut-être pas forcément vu dans le texte avec juste un deuil extérieur. Utiliser les chapitres pour tester les choses. Voilà, à l'histoire. Ce qui pourrait impliquer éventuellement des pratiques de réencodage de la suite, finalement, oui. Parce que comme avec des ajouts par la suite, des choses comme ça. La question de prendre c'est une idée aussi, c'est de tester le chapitre par chapitre. Sur le chapitre 16, c'est l'érature, et bon, ça c'est l'essentiel. Mais d'autres chapitres vont peut-être mis autour de la table de gens qui s'intéressent à des aspects particulièrement religieux, des choses comme ça, vont peut-être faire surgir des hypothèses ou des clés d'interprétation qui seront. Voilà. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que l'approche. elle est liée à nos limites computationnelles, c'est-à-dire humaines. C'est-à-dire, quand on disait tout à l'heure, il y a un moment où, en fait, nous, on est plus représenté en sociologie, on fait des analyses factorielles, parce que la masse de données est absolument inabordable par le cerveau humain, y compris par Einstein. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est bien obligé d'instrumentaliser parce qu'on n'a pas d'alternative à l'instrument. Est-ce qu'il me semble que dans ce contexte-là, on est à la limite, c'est-à-dire qu'en réalité, de mémoire, en confrontant quatre volumes page par page, est-ce qu'on pourrait y arriver ou computationnellement on n'est pas capable nous ou est-ce, enfin, c'est une première question méthodologique que j'aurais posée. Parce que c'est pas trois volumes, c'est six en fait. Oui. C'est chaque manuscrit avec ses ratures. Donc on est. Donc c'est illisible par le cerveau humain. Ah oui, c'est ça. Un érudit, avec des, en ayant la problématique que vous posez, mais au 19e, ne peut pas arriver à ce résultat. On est d'accord. C'est la première chose qui n'est pas complètement claire, enfin qui n'était pas complètement claire pour moi, parce que je me disais, bon, j'y arriverais bien. Enfin, un érudit qui s'enfoncerait dans son document. J'y arriverais, mais autrement. Oui, mais d'accord. Donc, c'est, d'accord. Alors déjà, on est déjà dans l'illisible humainement. D'accord. Et après, il y a les grilles. C'est visible pour le lecteur, c'est-à-dire qu'on veut que les gens puissent y arriver le plus vite possible. Voilà, alors ça, c'est le Pékin, mais. Non, mais ne serait-ce que pour peut-être après pouvoir aller voir ailleurs. Mais par rapport à. C'est illisible quand on a 36 versions en même temps, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout trempé à l'affaire va se décourager. En fait, c'est vrai que quand même, avec. Le numérique et cette espèce de version numérique qui pourrait apporter à la différence du papier, de l'édition papier, on aurait envie de faire apparaître et d'attirer autrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la visualisation des variantes est à l'étape nulle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire. Alors en ce moment, en dehors de mon mari, il travaille avec l'université de Maryland. Et vraiment, on est à l'étape de recherche minimale. Hein. Il y a tout à faire. C'est la version d'une machine, c'est ça Je ne pourrais pas vous répondre. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Je connais les gens qui travaillent sur ce projet. Mais c'est au sein du MIS Non, c'est. Bon, la deuxième question, je crois qu'il faut toujours se poser cette question avant de faire du numérique parce qu'on voit bien que c'est notre solution, mais des fois on peut arriver au bout à se dire mais en réalité c'était pas tout à fait la peine parce que nous, vous spécialistes, on aurait été incapable de le faire et en mesure de le faire sans instrumentation en gagnant du temps. Bon, ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que, en réalité, ça me fait énormément penser à la génétique des textes, qui est utilisée à l'ITEM, et donc pas loin, à Rubulme. Et la question que je me pose du coup, c'est est-ce que eux, ils ont avancé ? Parce qu'ils travaillent depuis 15 ans sur cette problématique. Et qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on doit jeter de leur méthode, éventuellement de leurs problématiques qui sont un peu différentes, puisqu'ils travaillent sur la. Surgissement de littéraire, mais... Alors ça, moi, je peux répondre à ça, parce que c'est Jean Daniel qui est à l'origine de ce projet-là. D'accord. Donc il a travaillé avec... son échappe, ça fait rien. Et à l'époque, c'était Jean-Louis Brave, qui depuis est à la retraite. Et il a arrêté de travailler sur ses projets, je dirais, il y a 8 ans à peu près, et c'est Thierry Paquet qui a repris ce projet. Je l'ai vu là récemment à Caen, et en réalité, il piétine toujours. Quoi. Donc, il piétine au pluriel. C'est des problèmes technologiques énormes, énormes. Oui, juste pour vous dire deux choses. Simplement, un point, c'est par rapport à la génétique qui est textuelle, qui est tournée vers la notion d'œuvre, d'auteur et d'œuvre. Mais on peut imaginer qu'à un certain moment, les instruments se croisent parce qu'il y a les instruments peuvent se croiser. Voilà. Mais c'est sur quoi je voudrais insister, c'est que dans ce projet d'édition, il doit y avoir deux dimensions. La première, c'est de mettre à disposition un texte de la manière la plus facilement accessible pour ceux qui voudraient en avoir y avoir accès et la plus libre possible. Voilà, c'est une manière pour un lecteur de pouvoir réaliser le plus grand nombre d'opérations possibles facilement sur ce texte. Et alors, dans mon ignorance extrême, je pense que pour cela, il y a un certain type d'encodage, etc., qui est nécessaire. Mais d'autre part, en ce qui me concerne, je pense que l'intérêt de cette opération, en dehors donc, d'offrir quelque chose, c'est aussi d'avancer dans l'interprétation. C'est sur quoi j'ai insisté il y a un instant, et avancer dans l'interprétation par rapport à des outils anciens qui existaient. Moi, je me rappelle, la plupart des gens ici sont trop jeunes pour se rappeler cette époque du laboratoire de psychologie politique de Saint-Cloud, etc., etc., où des outils assez sophistiqués de traitement automatique des textes avaient été mis au point. On avait essayé d'ailleurs de transposer sur les textes du XVIIe siècle sans, je dois dire, beaucoup de succès, c'est-à-dire qui consistait à mettre en évidence, on va dire, le fonctionnement d'un vocabulaire dans les occurrences, les concurrences, etc., etc. Bon, et à mettre ça en rapport avec des argumentations, par exemple, et croiser, établir des comparaisons entre des formes proches de textes. Bon. C'est justement pas ça qu'il faut faire, même si on avait désormais des outils beaucoup plus sophistiqués qui nous permettaient d'aller plus loin dans cette direction-là. Ce qu'il faut faire, je crois, c'est essayer d'atteindre, c'est pour ça que je parlais de fantôme, ce mot volontiers, vague, etc., c'est essayer d'atteindre une autre dimension de ces textes, qui est précisément ce qui ne relève ni de l'argumentation, ni de l'exposition, ni de son vocabulaire, ni de son... mais d'un certain type de rapport, par exemple, à la mémoire. Et alors ça, peut-être que pourquoi j'énonce des souhaits, je n'imagine pas un instant quel type de traitement de technique va être utile pour ça. Mais c'est vers cela, je crois, qu'il faudrait pouvoir se diriger. Je pense que les procédures de visualisation, ça peut permettre d'aller dans cette direction. Et puis il y a un autre élément par rapport à ça, c'est la possibilité que l'on aurait de changer le rapport entre la critique et la source. Très souvent, les historiens ont leurs sources dans les dépôts d'archives, etc. Et puis à côté, leurs ouvrages qui analysent, qui traitent, qui mettent le problème en perspective. La possibilité d'une édition électronique, c'est aussi de superposer, alors, par des liens, par des renvois, le texte que l'on aura écrit, enfin, les textes même. De texte, aux articles critiques et à tout le travail sur la production universitaire des chercheurs autour de ce texte par un système de renvoi. Ça permet de voir ensemble et de tenir ensemble deux éléments souvent disjoints dans le travail de l'historien, mis à part dans l'édition critique de texte, mais ça peut être intéressant aussi à ce niveau-là de démultiplier la chose et de la rassembler. Je reprenais la première question de Marin, une question qui venait de là-bas sur quelle est l'utilité au regard du papier. Et moi j'avais des exemples précis qui viennent de ce que je fais, où je suis en antiquité, mais ça va rejoindre notamment le travail qu'avait fait Nicole sur les réseaux sociaux. Le papier a des limites physiques qui nous permettent de présenter certaines complexités. La prosopographie en histoire ancienne, je ne sais pas s'il y a d'autres antiquisants dans la salle, mais quand on cherche à faire des généalogies, faire apparaître les fonctions, les rapports d'adoption, parce que parfois on adopte des gens plus âgés que soi, les rapports entre différentes castes, etc., on est obligé de faire des choix au niveau de la représentation du papier qui vont exclure par exemple les femmes. Donc on est obligé de faire un deuxième volume pour la généalogie des femmes. Et puis si on veut représenter en plus, évacuer les fonctions et puis intégrer les espoirs, ça devient un gros bazar en fait. Et pour la représentation des réseaux sociaux, de ce point de vue-là, l'informatique en a la porte en plus. Un autre exemple, c'est par exemple la mort. Voilà, je suis sur une autre période, donc d'autres types de documents, mais l'inscription sur laquelle je travaille, elle fait 2 mètres sur 3. Ça ne rentrera jamais dans un bouquin. Voilà. Et donc, du coup, on fait des photos, de la photogrammétrie de très haute définition, on obtient des images sur ordinateur, et à partir de là, on peut travailler à grande distance. En plus, une inscription qui est bilingue, qui est en plusieurs morceaux sur divers sites. Je l'ai ravi dans 3 endroits différents. Oh, pardon. Un en Syrie, un en Turquie, puis c'est des petits morceaux, c'est assez compliqué, on a perdu des bouts, etc. C'est un truc bilingue, il y a eu 50 éditions avec des redécouvertes archéologiques en tout temps. Enfin, on atteint un niveau de complexité assez important sur l'inscription que personne ne peut voir sur papier. Voilà. Alors maintenant, avec la photogrammétrie a été faite, l'inscription est visible en ligne, et ça, c'est un grand avenir service énorme à tout le monde. Voilà. Et à partir de là, faire une édition scientifique de cette inscription, on a redonné, comme vous le disiez, entre l'image de haute qualité et une codification filiale spécifique pour les inscriptions, on atteint un niveau d'édition qui est largement supérieur aux éditions papier pour ce texte-là. Et pour ce texte-là, il faut savoir que pour réussir une bonne édition papier, je pense à celle de Gagé ou celle de Blanchard, ils ont 12 000 ans. Alors que là, une fois qu'elle est bien faite scientifiquement au niveau numérique, si on a des modifications à faire, on ne mettra pas 20 ans. C'était ça, c'est à quoi ça faisait écho. J'avais un autre truc à dire, mais je ne sais plus ce que c'est. Je suis désolée, mais parlez à moi. J'avais juste une dernière question avant qu'on fasse la pause, peut-être, sur l'identification des bouts. C'est-à-dire que la première question portait sur l'approche heuristique et après la deuxième porte sur la façon dont on va administrer la preuve. C'est-à-dire en fait effectivement on va mettre en ligne du coup un document complexe dont l'unité documentaire est pour le moment je ne sais pas trop quoi, la ligne, le paragraphe, la page, je ne sais pas, enfin, autre chose. Et comment je vais faire pour citer ou bien un bout d'une des éditions, ou bien même, non pas ce bout, mais la carotte qui a été faite par, la carotte glaciaire, hein, qui a été faite par la lecture que proposera l'outil. Donc en gros, ça revient pour un éditeur de l'édition électronique contemporaine, c'est-à-dire l'édition électronique simple, parce que là, c'est vraiment très compliqué ce que vous faites, mais ça revient à dire, est-ce qu'on va avoir un identifiant unique qui décrira chaque objet et quel objet et comment ? Il faudrait attendre le mois d'avril, je regarde plus près et là je pourrais répondre. Donc c'est pas trivial puisqu'il faut se poser. De toute façon, rien n'est trivial. Ça fait partie des chantiers, oui, qui sont devant nous et sur lesquels on commencera plutôt tout juste d'ici quelques jours. D'accord. C'était une question par rapport à mes parties. Oui. Si j'ai bien compris, parce que c'est peut-être ça aussi, j'ai peut-être pas bien suivi le projet, etc. Mais si j'ai bien compris, à un certain moment, vous souhaiterez représenter la progression d'une pensée politique, c'est ça ? Est-ce que ça vous paraît, c'est une question comme ça, parce que moi je me la pose pour moi, est-ce que ça ne vous paraît pas à un niveau extrêmement abstrait pour être exprimé en XML ? Un niveau abstrait pour être exprimé en XML. C'est vrai qu'encoder des fantômes, ça va être ça. Comme ça, dit comme ça, ça paraît. Ouais, c'est pour ça que je posais la question sur les ontologies, s'il n'y aura pas besoin d'un niveau sémantique supplémentaire qu'une notion logique. L'encodage permettra au moins de voir les choses en même temps. Mais peut-être que faire apparaître un fantôme, c'est ce qui relèvera de la critique qu'on apportera en plus du texte et à côté du texte. Mais néanmoins, on aura enfin l'outil pour le voir et pour ensuite le retranscrire de manière finalement très classique, comme on pourrait faire dans un article aujourd'hui, mais au moins on pourra le voir. Ça, c'est un projet qui traîne depuis très longtemps, Finalement, qui n'a pas traîné. Non, je vous avais dit que mes premiers fichiers datent de 2003, en fait. Et au départ, on était sur une édition papier. Et on s'est vite. La transcription est terminée. Mais donc, il y a eu une première étape où, au fur et à mesure, on se transcrivait. Papier, comment, enfin, vous voyez bien les variantes, mais. Justement, j'ai une question. Vous avez fait une transcription sur Word, en fait. Oui, mais au fur et à mesure, on les passe en. Sur Word, vous avez essayé de retranscrire les ratures, etc. Oui, avec votre encodage à vous. Oui, alors on a mis. Oui, ben ça, je peux. Oui, c'est ça. Juste avant la. Alors, parce qu'on. Comment on démarre ? J'ai fait pour le chapitre 16, parce que je pensais qu'on allait en avoir besoin, j'ai fait une espèce de. J'ai repris, comme il est court en plus, j'ai mis les trois textes l'un à côté de l'autre dans un tableau. Tout ça avec du Word, hein, mais. C'était sur papier, ce qu'on peut voir. Ouais. Et alors, on a un système de barres simples, barres doubles, des couleurs différentes, enfin bref. Mais bon, c'est du bricolage, mais ça. Et en plus, là, c'était juste. On voulait voir pour ce chapitre 16. Ça marche ? Ouais. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que j'ai vu beaucoup de projets démarrer comme ça, en fait, avec du Word, première version sur Word, avec des normes auto-générées, arbitraires par l'équipe. Il se dit, bon, on va mettre telle couleur pour représenter telle chose, barré, double barré. Et ça commence souvent comme ça, en fait. C'est ça qui est une pratique d'encodage. Oui, non, ça marche. Si, si, c'est en train. Ah, c'est en train. Il est là. Ouais. Alors on fait un texte, un fichier, un manuscrit, un fichier, mais là. C'est passé derrière. Ah, il est derrière, c'est pas ce chapitre-là permettait de le faire parce qu'il est court, surtout parce que mais les autres, quand on a des documents qui font 77 pages, moi je ne me voyais pas mettre dans. Parce que j'ai essayé de l'avoir à peu près en face. Il s'est lancé une dizaine de fois là. Il est derrière chaque fois et ça relance une autre version d'OpenOffice parce que tu as cliqué frénétiquement. Oui. Hein? Non, il est pas là. Si, si, il est derrière. Il est tout derrière. Ah, il est là. Voilà. C'est peut-être une fois sur une clé. Ouvre la version du dessus. Voilà. D'accord. Voilà, on a. Donc il y a des codes. Il y en a trois. Il y en a trois, parce que on a décidé qu'on travaillait sur trois. Parce que au début, on peut transcrire les cinq. Mais... Donc en fait, ce qui est en italique et entre crochets, c'est les annotations marginales. On sera, en fait, c'est des têtes de chapitres qui ont été réintroduits, enfin, comme point de repère. Ça, on voit ça souvent dans les manuscrits. Et en fait, on s'est rendu compte, ça, c'est constant sur les trois. Mais donc ça, c'est voilà. Quand c'est raturé, on a barré une fois et on a réécrit derrière en changeant de couleur. Et quand c'est raturé deux fois, ça veut dire que c'est une rature de rature. Enfin non, une rature de correction. Voilà. Mais on y arrive, hein. Mais on y arrive, oui, c'est... Donc on a essayé de se... notre petit code est à peu près cohérent, donc ça permettra peut-être des encodages automatiques pour certains... En tout cas, non, mais en tout cas, visuellement, c'est clair. À nous, on sait gérer ça. Si vous voulez un exemple, justement, d'évolution du texte, est-ce que vous pouvez arriver juste à la première page? Ouais. Première page. Là, voilà. Là, vous voyez, je vais vous montrer. Ouais. Là, par exemple, on a cette phrase. Contre ceux qui estoient, qui avoient esté de ce parti. Donc, contre ceux qui étaient et contre ceux qui a été remplacé par qui ont été de ce parti. Ça a été supprimé sur ce manuscrit, et là, on a directement qui ont été. Il y a un enjeu là-dessous. Alors, bon, il y a la progression dans le temps. Hein. Ce manuscrit serait celui de 1643, et c'est lui qui est de 1660. Souvent, il est de 1662. C'est celui-ci qui est de 1660. Donc, il y a le passage, enfin, l'avancement chronologique qui fait qu'il y a de moins en moins de survivants à ce moment-là de la Ligue en 1660, mais il y a aussi le fait qu'on ne peut pas dire qu'on est d'un parti. On est du parti Ligueur, c'est plus possible, c'est trop subversif. Donc on ne peut que avoir été du parti Ligueur, et encore, il faut s'en être repenti. Donc dans ce passage de temporel et puis même en termes d'auxiliaire, de forme active, de forme passive, il y a un enjeu de sens et un enjeu de sens historique à ce niveau-là. Hein. De l'actif au passif, c'est tout à fait central dans l'évolution de la mentalité politique au XVIIe siècle. Voilà, Il y a une correction qui est assez oxyque, et les noms propres disparaissent au profit des statuts. D'accord. Le chancelier au lieu de monsieur machin. Oui, c'est voilà, pas seulement des phrases qui disparaissent, c'est des mots qui sont changés. Voilà, il y a des... C'est de plus en plus politiquement correct. Voilà, oui, c'est... Ouais. Voilà. À chaque fois, on voit en fait le poids de la pression politique sur le texte. Poids qui varie en fonction des époques et qu'on peut apprécier à travers la rature. Et d'ailleurs, une typologie de la rature est à faire, et on n'y coupera pas, entre la rature simple. Donc soit on raye la page comme ça, soit on raye vraiment ligne à ligne, voire parfois il y a... où on remet la même chose, et il y a parfois même une manière de raturer qui empêche complètement de lire le texte. Donc là encore, il y a aussi un degré de subversion, de subversion probable à voir dans cette typologie de la rature. Il y a une chose que Christian n'a pas indiqué, mais il l'avait expliqué dans une précédente séance de séminaire, c'est que dans la première version, on voit le religieux et le politique qui sont noués, enfin, il n'y a pas de souci. Et au fur et à mesure des corrections, on voit que visiblement, ça ne va plus de soi d'avoir le religieux et le politique qui vont de pair. Et le politique se sépare du religieux. Tout à fait. Voilà. Et c'est le mouvement du XVIIe siècle, hein, dans cette déconnexion, pas totale, mais dans une déconnexion du politique et du religieux, où à partir de 1630, notamment, on change complètement de configuration configuration dans le lien entre le politique et le religieux. Ben merci. Je propose qu'on fasse une petite pause de 5 minutes avant d'enchaîner sur l'atelier. On va faire des exercices pratiques d'encodage. Alors, ça va être des... Non, on ne va pas faire l'encodage. Ah, zut. Non, ça sera plus rigolo. Alors, vous aurez la surprise en rentrant de la pause.